fil, smartphone, manga, jeux vidéo, internet, high-tech, animé, console, série, rétro ou néo. Mais geekez-moi! Salut à tous, c'est Only4Gamers pour un nouvel épisode de Mais geekez-moi, présenté avec mes compères Seb, dis bonjour. Et salut. Salut. Et Guise. Salut à tous. Voilà, donc c'est parti. Donc pour cette première partie, nous allons commencer par savoir qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois, qui remonte à un mois. Et donc, je donne la main à Guise et il va nous parler de... Alors, depuis la dernière fois, qu'est-ce que t'as fait de beau ? Eh bien, j'ai fini God of War. C'est bien. C'est déjà pas mal. Platiné ? Non. Ah, faut pas exagérer. Faut pas abuser. Après, j'ai commencé Arizona Sunshine, que j'ai fini sur VR. T'as déjà fini ? Ouais, fini. C'était court alors. Ouais, non, ça va. T'en parleras tout à l'heure. Ouais. Ça va vite. Ouais. J'ai joué à Super Hot. J'ai commencé Resident Evil 2 Remake. J'ai poursuivi un peu Beat Saber. Ouais, t'as quand même fait plein de trucs, tu vois. Ah oui, c'est pour ça qu'elle pète un plomb. Ouais. Je m'étonne. Voilà. C'est série, près... film, quelque chose un peu de... Série, film, non, pas spécialement. Pas de... Si, si, en série, j'ai regardé Sex et Éducation. Netflix. Netflix. Ah, je sais. Netflix. Netflix. Ah ouais, Netflix, ouais, je regardais. C'est rigolo. Bon, les séries, fais-moi. C'est rigolo. Ah non, mais très bien. Donc maintenant, Seb, toi, depuis la dernière fois, alors Moi, depuis la dernière fois, Resident Evil 2, on en parlera. Oh, on en parlera, oui, bien sûr. J'ai fini Mega Man 11. Putain, bien. Et c'est aussi chaud que les anciens, quand même Non, c'est un peu plus simple. Ouais. Ouais, c'est un peu plus simple, ils ont facilité. Ça... Mais toujours le même concept de prendre le pouvoir du boss. Ça reste toujours le même concept, mais qui marche très très bien. Bravo. Au niveau jeux vidéo, Apex. Ah oui, ah bah Apex. Ah ouais, c'est vrai, je n'ai pas parlé. Ah oui, t'as pas parlé d'Apex, mais si, Apex. Ah, en même temps, il est sorti de nulle part. C'est arrivé un peu... il a été annoncé lundi, il était disponible lundi. Voilà. Donc... Non, non, mais comme tout bon testeur, joueur, je l'ai testé, j'ai aimé. On a enfin un vrai jeu où on peut jouer en équipe. Là, tu peux vraiment... Enfin, ah, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ouais, c'est excellent. Alors, attention. T'as vu qu'ils allaient sortir une mise à jour, comme je t'ai dit, ouais, duo solo et duo. Ouais, mais ça risque de casser l'ambiance. Ouais, mais bon, et là ouais. Tu vois, tu voulais pas trop parler d'e-sport, mais bon, en e-sport, je pense que là, quand t'as des vrais escouades qui connaissent les pouvoirs des persos et tout, ah, ça peut faire là, ça doit être sympa, tu vois. Ouais. Plus qu'un Fortnite où t'es en solo, machin, enfin, ouais. Tu vois. C'est... Bon, bref, excuse-moi. Ça va faire de jolis matchs. Si le jeu continue à se développer, bien entendu, il faut pas qu'il... Bon, connaissant un guillet, je pense pas que... Non, je pense pas. Non, après, c'est Respawn qui a la main en plus, donc... Non, sinon, à peu près, c'est tout. Et on va en parler aussi. Nous sommes allés voir Dragon Ball Super Broly. Ah oui, mais t'as oublié de le dire, ça aussi, c'est vrai. Ah, oui. À un moment, ah, oui. Il s'en passe des trucs. Excusez-moi, j'ai pas tout noté. Après, si vous avez des news qui vous ont traversé entre-temps aussi, vous pouvez en parler, qui vous ont marqué. J'ai été faire caca ce matin. C'est pas une news parce que visiblement tu le fais tous les jours ou alors t'es malade. Non, je sais pas, c'est vraiment de noter tout. Ouais, on note tout. Et toi? Et donc, ah bah alors moi j'ai quelques petits trucs à dire. Depuis la dernière fois, j'ai joué alors Dragon Quest 8 sur DS. Là j'en suis à 25 heures donc je continue ma petite vie de chemin. J'ai joué à Apex avec vous. Du Rim Royal aussi, du coup. Oui, il est sorti. Pas et j'ai bien accroché, j'aime bien la DA. Il n'y a pas de construction. Voilà, je le place largement au-dessus de Fortnite puisqu'on l'a bien scotché. Resident Evil 2 aussi, terminé. Enfin, scénario A. L'as-tu platiné ? Non, mais moi je platine pas, t'sais. Moi je joue. Et après, dans mes petites news, qu'est-ce que j'ai appris ? Ah oui, le 23 janvier, il y a Alexandre Astier qui a annoncé qu'il lançait le tournage des films Kaamelott. Alors, depuis que la série est arrêtée, si tu veux, ça fait pas 10 ans, mais pas loin. Depuis le temps qu'il a annoncé qu'il allait faire le film. Ouais, mais il a eu des problèmes avec M6 pour avoir les droits et tout. Donc, je suis très très content et très impatient de voir ce qui va se passer. C'est pas pour. 2020, je pense. 2020, le film ? Ah bah oui, là, il commençait le tournage en janvier, donc un an de prod. Ah, je pensais que c'est. Ça me semble pas. Après, j'ai appris aussi qu'il y a le remaster de Ace Attorney Trilogy, c'est Phoenix Wright, ouais. Le jeu d'avocat. Ça aussi, j'ai fait le dernier sur DS. Et voilà, il y a les trois, on va pouvoir l'avoir en français avec un patch. Ça me botte bien, tu vois. Je me vois bien jouer à ça sur Switch. Franchement, il est bien. Si, c'est un jeu d'enquête, c'est à tester. À l'occasion, à tester. On a entendu parler aussi. Ah ouais, c'est utile de noter. Dragon Ball Z, Dragon Ball Project Z. Oui. L'action RPG qui a été annoncée par Bandai. Alors là RPG. Non, c'est pas plus quoi. Bah non, mais après un FighterZ, on a eu un petit trailer. Et puis la petite image de Goku avec Gohan. Ouais. Donc bon, après, on va reprendre l'histoire qu'on connaît par cœur. Ouais, mais les... Dragon Ball. Je pense que les fans, ils en ont un peu besoin. Avec tous les épisodes qu'on a eu, FighterZ, Xenoverse, tout ça, où ça a sa propre petite histoire. Des fois, ça fait du bien de re-rentrer dans les origines de... Ouais, de la série. De la série. Mmh. Et... à voir, à surveiller. Ensuite, ah si, j'ai regardé un animé qui s'appelle... Alors, attends. Tenzen Chitara Slim Dataken. Voilà, vache. Je vous explique vite fait. C'est un mec qui meurt. Quand il meurt, il dit « Ah, j'ai froid. » Donc, il fait... T'entends une voix qui dit « Résistance contre le froid, accepté. »« Ah, j'ai mal. Résistance contre la douleur, accepté, etc. » Et en fait, il se réincarne en Slim. Vous voyez ce que c'est, un Slim ? C'est une créature, tu sais, des jeux d'Heroic Fantasy. C'est une espèce de boule de mort, là. Oui, ouais. Ouais. Il se réincarne là-dedans, dans un monde d'Heroic Fantasy. Et en fait, il s'aperçoit que quand il bouffe quelque chose, il acquiert ses capacités. Donc, il va se mettre dans une caverne, il va choper des chauves-souris, donc il va avoir des pouvoirs d'ultrason, etc. C'est une putain d'histoire. Et à la fin, il va réussir à... Enfin, à la fin, c'est en cours, hein. Mais son but, il a trouvé un village goblin. Et donc, il est en train de réunir les monstres, les goblins, les orques. Donc, je suis en train de suivre ça. Excellent, si vous avez l'occasion. Voilà, oh, petit point manga. Il faut et voir. Dernier truc, je vais m'arrêter là-dessus après parce que j'ai noté des trucs, en fait. Il y a Super Dragon Ball Heroes World Warrior World Mission qui va sortir, le jeu de cartes. Et donc, en fait, on en parlait la dernière fois. On a déjà parlé. Toutes les cartes seront disponibles dans le jeu qu'on pourra acheter avec l'argent du jeu. Il n'y aura rien à débourser à côté. Voilà, c'est juste une petite précision. Mm. Tant mieux. Franchement, ça va attirer la clientèle, tout ça. Dragon Ball Heroes, ouais, si. Moi, je suis curieux, comme toujours, comme la dernière fois. Parce que Dragon Ball Heroes, c'était exclusivement au Japon, Japonais, pour les Japonais. Truc d'arcade. Oh non, c'est rigolo quand même qu'il y a encore au jour d'aujourd'hui cette barrière entre les jeux japonais et qui l'Europe en Occident, et l'Occident. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Mais régulièrement. Hein. Ouais, bah, Persona, les années 80-90, ça se faisait énormément, mais là... Mais il y en a toujours. Bah, après, ouais. C'est vrai, il y a des trucs qui se disent c'est réservé à un public japonais. Mais moi, je serais curieux quand même d'y jouer. Oui, ouais, mais la localisation, ça a un coût et tout. Hein. Après, Dragon Ball, tu peux le sortir. Oui, c'est une licence connue, tu peux y aller et le farmer, oui, ça va se vendre. Donc voilà, depuis la dernière fois, un peu les news et ce que j'ai fait. Et on va enchaîner sur la suite. Donc on a le sujet, vos styles de jeu préférés. Donc on va commencer par Seb. Toi, tes styles de jeu préférés, quels sont-ils? Je t'avoue que j'étais un peu gêné par le sujet parce que j'ai pas vraiment un style de jeu. Je joue à tout. J'ai plus des styles de jeu que j'aime pas, je joue pas, que des styles de jeu que je préfère. Mais grosso modo, je suis assez branché jeu de sport, mine de rien. Ouais, toi, je sais, t'aimes bien le sport. Le basket, le foot, le baseball que j'ai testé l'année dernière, justement. Ouais. Il y a longtemps que j'avais pas testé un jeu de catch aussi, j'ai fait... Bah, de toute façon, tu serais le poursuite, quand il y a une question sport, tu réponds. Ça me surprend à chaque fois, et t'as une bonne culture. Je suis fan de sport, ça aide aussi. Ouais, mais enfin... Ouais. Je suis le foot, je suis un petit peu le basket. Je suis impressionné. Donc, Ça t'emmerde pas qu'on enregistre, ouvre ta bière tranquille. Tranquille. Pas de bruit. Excuse-moi. C'est moi qui ai rentré du coup. Ensuite. Jeu de sport. Assez aussi fan de jeux de baston. Ouais, enfin fan. Même à l'heure actuelle là, ouais, t'aimes bien. Ouais, j'y arrive encore. Là, je teste début du mois de mars, Didor Live 6. T'as eu l'accréditation enfin, ouais. Je reçois Didor Live 6 que je vais tester avec plaisir. J'ai déjà testé la démo, ça m'a plu. Je veux bien tester les loulous. Je te coupe, mais j'ai voulu la tester, c'était fermé. Ah, c'était une bêta. Ouais, c'était une semaine, je crois. T'avais un petit moment pour la tester. Ouais. Comparé à Jump Force, par exemple, qui sort aujourd'hui, là, j'ai pas du tout envie de tester. Bon, je me dis pourquoi j'aurais pas. Curieux, mais... T'es curieux, t'as dit, faut tester. Ouais, non, là. Là, ça a l'air assez dégueulasse au niveau graphisme, ça a l'air. Moi, j'ai vu quelques vidéos. Pourtant, ça pourrait être le sympa. Casting est assez intéressant, tu vois. T'as vraiment tous les héros de manga que tu peux imaginer. Je pense que Zodiac, Dragon Ball, Naruto. Il y en a beaucoup qui vont pas connaître tous les héros. Ah non, tu les connaîtras pas tous. Mais bon. Enfin, il y en a beaucoup. Ouais, tu prends Hunter x Hunter, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup qui connaissent ça. Ou les fans de manga. Les fans. Après, c'est pareil, il y a tellement de mangas, tu ne peux pas tout connaître. Non. Après, c'est sur les 30 ans du Jump, donc. Ah, ça fait du T'as Nicky Larson, les Chevaliers du Zodiac, t'as tous les anciens, tous les nouveaux. Ouais. Les trois favoris, Dragon Ball, Naruto, One Piece. Donc, ensuite, pour rester sur mes types de jeux préférés, c'est vrai que, voilà, ce que je dis, je joue à tout. J'ai des jeux préférés. Bah, alors, oui, ça je sais. Mais les jeux que t'aimes pas, alors, du coup, si tu sais pas ce que. quel est vraiment ton style préféré? T'as dit qu'il y a des trucs que t'aimes pas. Alors, ce que j'aime pas, ça va être tout ce qui est avec énormément de narration. Parce que je suis pas non plus un grand fan de lecture, donc quand il y a beaucoup de narration, mais ça a tendance à vite me gonfler. J'arrive plus trop à jouer à tout ce qui est RPG à l'ancienne. Les RPG, pas les JRPG. Les JRPG, c'est juste que j'ai pas le temps. Mais sinon, les JRPG, j'aime bien. Mais les vieux RPG à la Baldur's Gate, j'adorais Baldur's Gate, et là, maintenant j'ai un peu Attends, plus de... C'est quoi, c'est de l'action ou ouais. c'est plutôt du roguelike? Non, ouais. c'est de l'action. Action. Et j'ai plus de difficultés aujourd'hui, peut-être. Je vieillis aussi un peu. Oui, et... ouais. Je joue un peu moins aux jeux de plateforme, mais j'aime toujours ça. La preuve, j'ai Megaman il y a pas longtemps. Ouais. Ah, Megaman, c'est quoi, plutôt jeu de plateforme ou Metroidvania? C'est ce qu'on a appelé Run and Gun. Ah ouais, c'est vrai, oui, ouais. aussi, oui. Oui, autant pour moi. Non, sinon après, je sais pas. Après, ouais, c'est vaste aussi, tu vois. Genre jeu de pêche. Moi j'adore les jeux de pêche. Il y en a pas beaucoup, mais... Il y a pas beaucoup, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais oui. Je trouve que c'est une perte de temps pour moi, ça. Ouais, si tu veux aller à la pêche, tu vas à la pêche. Mr. Rageux arrive en force. C'est sur quoi, sur Switch? Oui, non, c'est sur Wii. Ah, il y en a un sur Switch, ouais, je crois. C'est bon, prends Final Fantasy XV, il y a un super jeu de pêche dedans. Bon, bah, du coup, à toi, monsieur Rageux, tes styles de jeu préférés, du coup? Oh, personnellement, j'aime tout. Mais oui, mais. Ça va du jeu de combat au jeu d'aventure. Mais comme dit Seb, c'est surtout des jeux préférés que des styles de jeu préférés. Ouais. Il y a des jeux de combat que je vais aimer, il y en a d'autres que je vais pas du tout y accrocher, tu vois. Mais vraiment, ce que j'aime bien, c'est les jeux d'aventure. Si tu veux vraiment mettre un point sur le i... Un point sur le i. Moi, j'aime bien le jeu d'aventure. Je pose un Zelda Breath of the Wild en jeu d'aventure. Mais je suis pas Zelda, on verra peut-être. Écoute, celui-là, en tout cas. Je suis plus dans le Uncharted. God of War. God of War, c'est pas pareil. C'est quand même, ça reste quand même dans le thème beat'em'all. Même le dernier. Ouais, t'as quand même des moments où ouais, tu te bats, tu rages, ouais. quoi. Tu rages. Hop. C'est bien, hein, tu te déchaînes, hein, mais au bout d'un moment, c'est lassant. C'est bien pour ça qu'ils ont changé au niveau de ça, quoi. Tu fais pas que de... Non, de, voilà, de t'as de l'aventure, quoi. T'as pas mal de narration, des petites histoires. C'est pour ça que moi, action-aventure, j'ai du mal à faire le distinctif, tu vois. Pour ouais. moi, l'action et l'aventure, c'est complémentaire. Des jeux d'aventure sans action... Il y en a peut-être, mais ça me parle pas, tu vois. Ouais. Donc, jeu de baston, jeu d'aventure, mais c'est tout. Jeu de gestion, non, à part... Gestion, à part Jurassic World, voilà, ouais. que j'ai fait, non. Bah, alors, ça, attends, pas... on peut faire comme Seb, du coup. Il y a forcément des styles qui ne t'attirent pas. Genre les jeux de sport. Les jeux puzzle, par exemple, ça m'attire pas. Non. Les jeux de sport, c'est limite, à part FIFA. Et je encore. Fais deux, trois parties, et encore, tu et vois, encore. Je l'ai acheté la dernière fois. Ça faisait 9 ans, j'avais pas acheté un FIFA. Eh ben, t'aurais dû faire 10 ans de plus. Et dans le placard. Non, après, en jeu de sport, non. C'est vrai que t'es moins là-dessus. Non, jeu de sport. Bah, faut que ça bouge. Après, moi, l'avantage d'un jeu de sport, je dirais, c'est que c'est l'envie, tu vois. D'un coup, j'ai pas spécialement de jeu en ce moment. Peut-être je vais me faire un match. Je vais me faire un match de FIFA. Peut-être je vais me faire un match de passé. Tu vois, c'est des. Ouais, mais non, ça joue comme ça. Si je fais un match, ça sera parce que t'es là, par exemple. Ah, ça se joue plus en communauté ouais. aussi, c'est vrai qu'en communauté. Ah, moi aussi, les FIFA, ouais, si j'en fais une soirée. Ouais, ça me dérange pas, tu vois. Enfin, encore, je préfère jouer à la Game Boy, mais bon. Vite fait, quoi. Ouais, voilà, vite fait. Non, voilà, moi, il me faut un jeu d'aventure, il me faut un truc qui bouge. Il me faut un truc qui bouge, tu vois. Regarde. Ouais, Léa Passion Cheval, quoi, équitation, ça bouge un peu. Du ouais, cheval. Ouais, mais Little Pony, là, je sais pas quoi, là. My Little Pony. My Little Pony. Je sais pas, ils ont fait des jeux sur PS4. Ouais, ça doit être sur Switch aussi, ça pas doit pas tomber à sortir. Mais ça doit être bien, ça, ouais, tu vois. Switch, ça me tarde, j'aime bien l'histoire. Qu'est-ce que c'est la suite? Et un jeu de plateforme, ça fait longtemps que tu peux faire un jeu de plateforme, Jean Crash. Ouais. Ben, j'avais acheté le. Il sait pas y jouer. Il est plus capable, tu vois. Il a vieilli lui aussi. Tu vois, les réflexes sont plus là. Capable, mais c'est que les jeux de plateforme, il y en a plus tellement. Non, c'est vrai. À part à faire des remasterisés. Bah, le dernier, franchement, honnêtement, le dernier vrai. Enfin, merde, Mario Odyssey. Mario Odyssey. Non, mais c'est vrai. Après, tu dis. Non, mais en jeu de plateforme 3D, il n'y a rien d'autre. Ouais. Ça se perd. Sur les derniers que j'ai testés pour le blog, il y a eu Knack. Il y a eu Knack 2 que j'ai testé. C'est un jeu de plateforme. Ça, c'est vachement basé plateforme quand même. Et c'est vieux, Knack. Le premier est sorti de la sortie de la console. Et le 2, ouais, est sorti l'année dernière. C'était pas mal. J'ai pas testé, donc je ne parlerai pas. Ben moi, les amis, de mon côté, mes styles de jeu préférés, ça va vous surprendre, j'aime bien les RPG anciennes tour par tour. J'aime beaucoup, ça me plaît. Pour l'histoire, les personnages, les mécaniques de jeu qu'on a, en fonction des personnages qui ont telle capacité pour battre tel ennemi. Ah, il est sensible au feu, ça tombe bien, j'ai un sorcier qui peut lancer. C'est quoi ce regard? Vas-y, dis-moi tout. Tour par tour, t'as dit? Ouais. Ah mais genre Final Fantasy quoi. Final Fantasy, Dragon Quest que je suis en train de refaire. D'accord. Après, Octopath Traveler que j'ai refait, ça c'est vraiment le truc. L'action RPG j'ai vraiment du mal, ça dépend. Je sais pas, ça m'attire pas. C'est pas le même charme. C'est pas le même truc. Ça a pas le même charme parce que le tour par tour c'est quand même plus tactique, plus posé. Pour moi c'est ça le sens du RPG si tu veux, parce qu'un RPG, un action RPG c'est un jeu d'action. C'est un jeu d'action avec des mécaniques de RPG. Tu vois, tu prends les Zelda, ben c'est ça. Pour moi, c'est un jeu d'action avec des mécaniques de RPG. C'est pas un RPG. Mais après, c'est ma conception à moi, si tu veux. Ouais. Y a l'évolution du perso, mais c'est pas un RPG. C'est l'évolution du jeu vidéo qui a voulu ça, parce que je pense qu'à l'époque où ils faisaient les premiers RPG, ils te faisaient du tour par tour, parce que techniquement, c'était plus simple pour eux aussi de faire du tour par tour. Peut-être, mais après, c'est pas les mêmes mécaniques. Il y en a toujours eu des action RPG. Zelda, c'est vieux. Après, il y a que celui-là qui me vient en tête, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Je crois que Mother 3 ou Earthbound, c'est la même chose. Ouais, Soleil sur Mega Drive. Et voilà, tu excellent. Vois, donc il y en a eu des... Mais pour moi, ouais, ça c'est des jeux d'action RPG. Ouais, c'est pour ça qu'on dit action RPG, on dit pas RPG action. Non. Mais j'aime le RPG tour par tour. Après, j'adore les jeux de réflexion et de puzzle. Ouais, on est assez complémentaires en fait, on a chacun nos petits trucs. Ouais. Moi je sais que j'aime bien, genre Portal. T'as aimé Portal? Eh ben oui, mais c'est un jeu de puzzle 3D. Franchement, le mode coop était sympa. Oui, on l'a bien torché. Bien sympa. Ah oui. C'est vrai que... Il y a eu dans la même idée Talos Principle, qui est sorti sur Play 4, sur PC aussi. Mm-hmm. Voilà. Après, les jeux de puzzle, c'est compliqué, mais j'aime bien aussi, vite fait. Mais plus les trucs de réflexion. Et du coup, les jeux que t'aimes moins, le style de jeu. Attends, je n'ai pas fini dans les jeux que j'aime bien. Pardon. Les jeux que j'aime bien, PC. Les jeux. PC. Les FPS sur PC. J'aime beaucoup les FPS, mais sur PC. Donc bon, j'y joue pas en ce moment, mais j'aime bien. Et pourtant, on joue à la manette. On joue à la manette, mais parce que je joue avec vous. Voilà, c'est pour ça. Je suis prêt à faire l'effort. Ouais. Mais voilà. Et les jeux que j'aime pas, jeux de sport m'attirent pas plus que ça. À part ça, franchement, je vois pas. Tout me plaît. Grosso merdo, y a pas. On n'est pas des gars difficiles, en fait. On joue à tout. Non, on joue à tout. On peut jouer à tout, en tout cas. Dans chaque jeu, t'as une proposition. Peu importe le style, tu vois. Donc. Moi, voilà, je vois le jeu. D'ailleurs, le jeu comme ça. Sur ça, on va faire une petite parenthèse parce qu'on en a parlé avec Guise il n'y a pas si longtemps que ça. Juste un petit message pour les gens qui achètent une console et qui passent leur temps sur Fortnite. Oh putain, vous en avez parlé, vas-y, explique-moi. Il y a d'autres jeux. Hein. C'est bien, Fortnite, c'est marrant, c'est rigolo, c'est un très bon jeu, moi je l'aime bien. Mais il y a d'autres jeux. Et puis vous emmerdez pas à dépenser là-dedans, vous avez des téléphones portables, vous cassez pas les couilles, putain. J'ai des amis sur le PSN, ils sont tout le temps sur Fortnite, ça fait des mois que ça dure. Mais c'est addict. C'est addict. Ils veulent obtenir les 100 paliers avant la fin de la saison, c'est-à-dire en 3 mois. Ouais, mais au bout d'un moment. Pour avoir tous les skins, alors, tout ça. Voilà, tu vois, le truc, c'est que nous, on a besoin que ça change. Ah ouais, tu vois, on va pas rester 3 mois sur un jeu. C'est pas possible. Non, tu peux pas. Bah, ça dépend le jeu. Ouais, Fortnite, j'ai bien passé un an. Peut-être pas que sur Fortnite, mais ça dure un an. Oui, je vois que c'est côté. Que ça. Ouais, mais c'était par période, tu vois. T'as joué, bien sûr. Pendant plusieurs semaines sans t'arrêter, puis tu t'arrêtes et t'as fait autre chose, puis t'es revenu dessus. Mais tu sais, il y a des jeux comme ça. J'ai un collègue, il allume la Play, Call of, tout le temps. Ouais, voilà. Lui, je le vois que sur Call of. D'accord. Ça sert à quoi d'avoir une console pour un jeu? Bah, parce que des fois. Bah non, parce que. Après, l'année après, c'est Call of l'autre. Oui. Ou les FIFA, il y en a qui font ça. Il y en a, la console, c'est la console. Ils achètent plus que FIFA. Ah oui, c'est vrai. C'est... Bah après, chacun fait le jeu comme il veut. Hein. S'il kiffe, il kiffe. C'est clair. Il n'y a aucun problème. Nous respectons. Et nous respectons. On comprend pas, mais on respecte. C'est pas ça. Mal. On enchaîne sur la suite. Donc. Ce mois-ci, c'était quand la date qu'on a été voir Broly? Je sais plus, c'était un mercredi. C'était un mercredi 13 14. Janvier. Je crois, je sais plus. Non, bon. C'est 14. On s'en branle. 24. Le principal, le 24 janvier. 24 janvier, le principal, c'est qu'on était voir Dragon Ball Super Broly. En avant-première. En avant-première, puisqu'il sort en mars. Voilà, c'est ça. Donc certainement un peu avant que l'épisode soit diffusé. Ouais, il y a eu énormément de salles qui ont été... Je dis le 14 parce qu'il sort le 14 mars ou le 13 mars. Ah voilà, ça doit être... oh, voilà, c'est pour ça, ok. Non mais si, c'est une information. Et du coup, on va essayer de donner nos impressions sans trop spoiler. Non, faut pas spoiler. Bon, on peut spoiler, mais moi je m'en fous, je m'en fous du spoil. Non, moi, je suis con. Ouais, c'est ceux qui écoutent qui aiment pas le spoil, moi je m'en ai rien à foutre. Alors bouchez-vous les oreilles. Ouais, mais jusqu'à quand ils savent pas là. Ouais, bah allez sur internet. Vas-y, Guise, envoie ton flow et on va. J'ai pas grand chose à dire, commenter. Moi personnellement. Ah, t'inquiète pas, moi j'ai des choses à dire. C'est vrai. Attends, tu peux y aller. Moi j'ai bien aimé. Voilà, waouh, intéressant. Ok. Après, ça va être dur de parler sans spoiler. Pour moi, il a été trop. Je sais pas, il a duré combien ? 1h30 ? Il a plus d'1h30, il a fait, je pense. Moi, j'aurais pas fait comme ils ont fait. Ouais. Pour moi, ils ont coupé le film en deux. Ils ont fait une partie narrative au début, entièrement d'accord. Une partie combative, tout le reste. Entièrement d'accord avec toi. Donc du coup, au début, tu t'ennuies. Au bout d'un moment, tu t'ennuies. Au bout d'un moment, tu te dis quand est-ce qu'il y a de l'action. Ouais, non. Il y a 30-40 minutes de parlotte. Ouais, mais t'explores le... Oui, moi, je suis c'est un des points que j'aimais, tu vois. On y va, quoi. On veut voir les personnages principaux, on veut pas voir ce qui s'est passé avant. Ils auraient dû faire un peu de chaque. Présent, passé, tu vois. Ouais, plus s'alterner, je suis d'accord. Voilà. Mais je suis d'accord, c'est vraiment double action. Du coup, pendant 40 minutes, eh bien, on s'est tapé des combats de folie. Ouais, ouais. C'était hyper bien. Mmh. Mais du coup, il n'y a pas de pause. T'es comme ça, t'es scotché devant ton écran et tu regardes. Limite, c'est trop agressif, même la baston. Ça envoie trop plein la gueule des fois. Il y a des moments. J'ai l'impression de regarder Transformers. Tellement vite que tu vois pas les combats. J'ai rien compris Transformers au baston. Alors au moins, c'est réglé. Ouais, après, le film en soi, il est pas mal. Je trouve que c'est dommage qu'on voie pas assez des personnages comme Sangwan, Krillin... Il y en a beaucoup qui ont regretté Sangwan. Tu vois Bulma, juste... tu vois ça, pardon, je veux pas spoiler. Oui, si, le personnage... Tu vois Sangwan, on les voit dans les teasers. Tu vois beaucoup Vegeta et Sangwan, quoi, voilà. Oui, et Freezer. C'est les trois, c'est le trio, en fait. Ouais, et Broly, donc, il est dans le filtre, dans le film... Ça porte son nom, donc ça serait con de pas le voir. Ouais. Alors, est-ce que ça, tu vois, c'est pas un film d'accroche, justement ? Et ça peut pas être développé, ce genre de truc, dans la série ? Parce que dans une série, t'as pas ce rythme-là. Tu peux pas faire deux épisodes, par exemple, de 20 minutes, que de la baston. Alors, est-ce que ça... Mais maintenant, ils sont posés. Sans spoiler, non, ils ont posé le film. Là. C'est posé, quoi, tu vois. Je pense qu'ils vont reprendre la série, tranquillement. Ouais, mais je pense qu'ils vont intégrer ça dans la série. Ouais, ils vont l'intégrer. Comme les autres. Bah, déjà, c'est canon. On le sait, c'est canon. Oui, c'est canon. Enfin, puisque dans le manga papier... Donc là, ça y est, on a dépassé ce stade. Ils font juste une toute petite aparté en disant que Vegeta et Son Goku ont rencontré un autre Saiyan, qu'il y a une bagarre terminée, ils en parlent. Dans ce que tu es en train de dire ou... dans les scans qu'on a d'accord, en ce moment, okay. De Jump Pod, ouais. Jump Magazine. Jump, ouais. Et du coup, moi, je pense que pour laisser du temps au manga d'aller un peu plus loin, ils vont faire comme avec les deux autres films, ils vont l'inclure dans la série et sûrement plus développer l'histoire. Il y a de grandes chances. Oui, je suis d'accord là-dessus. Et du coup, moi j'ai écrit encore un pavé. J'ai trouvé que la chorégraphie des combats était super sympa. Mm-hmm. Bah alors, effectivement, quand il y a trop de combats, c'est chiant, on en voit plein la gueule. Mais par contre, la chorégraphie de combat déchire. Tu vois les mouvements. Pardon. Je vais te frapper. Non, mais quand Vegeta commence à affronter Broly, je suis désolé, la baston elle est jolie. Ah oui, tu vois, oui. C'est pas trop rapide, tu vois les mouvements du perso. C'était mais des super fois sympa. La musique va pas toujours avec. Oh putain, je l'ai noté ça. J'aime pas la musique de Gogeta m'a gonflé. La musique. Oh putain, j'ai balancé. Ah oui. Attention, il y a Gogeta dans le film. Je ne vous pas le dire, vous avez pas vu les images. Je pense que c'est pas. Ah bien. Non, mais la musique avec Gogeta, elle vous a pas gonflé. Gogeta! Gogeta! Non, mais c'est pas, y a pas que pour lui, pour tous les personnages. Oui, mais j'ai retenu que ça. Ah ouais? À la fin, laisse tomber. Et cette espèce de grosse voix qui annonce. On les connaît, les personnages, c'est pas la peine de nous le lire. Ah ouais, non, mais à chier. Non, ça a fait chier beaucoup de monde. Non, mais oui. Après, dans le film, on a aussi pris, la petite dose d'humour. Bah, on voit que Son Goku est toujours débile. Malheureusement. Ah bah ouais, mais là c'est un gros spoil donc je vais pas le dire, mais il y a un peu d'humour, y a une petite pointe en tout cas dans l'action. Alors là, je suis pas d'accord. Moi, personnellement, j'ai revu un petit peu le Sangoku. Alors, on est d'accord. Dans DBS, la série, Sangoku, oui, il part en live total. Débile, c'est un grand mot. Mais on retrouve un peu le Sangoku un peu plus... innocent. Un peu plus sérieux, un peu plus... Ah bon non, un peu plus dans le sens... dans le sens, il réalise un petit peu plus ce qui se passe quand même, tu vois, il est... Oui, oui, oui. C'est plus « je me bats pour me battre », tu vois, c'est quand même... Il a conscience des choses, en tout cas. Il se rend compte, voilà. Oui, oui. C'est ouais. Sangoku, moi, qui me manquait. D'accord. Mais après, il y a toujours la dose, la petite dose d'humour, tu vois. Oui, oui, oui. Une pincée. C'est pas qui est parfaite. Je suis d'accord avec ça. J'ai bien aimé aussi le traitement de Broly dans l'histoire, vu qu'on apprend son histoire. Chose que Giza n'a pas aimé parce que c'était narratif, mais... je trouve que l'histoire avant de la planète Végéta... J'aime bien. Ça développe voilà, ce qu'on connaissait déjà, de toute façon. Ouais. Réellement. C'est... Vous connaissez le gros de l'histoire. Perso, j'ai bien aimé. Et ce Broly-là, le Broly du film, m'a bien plu. Mais c'est incroyable. Le Broly du film m'a bien plu. Merci d'avoir coupé la pizza, c'est gentil. De rien. M'a bien plu comparé aux autres OAV, à ceux avant. Puisque à la base, la question, c'était... Ah non, on avait en question annexe. Quel Broly avez-vous préféré? Ouais. Moi, celui-ci m'a vraiment plu. Personnellement, que la machine brute de puissance. Alors, pareil, je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que. Faire un petit peu de culture Dragon Ballesque. Vas-y. Le premier. Dragon Ball, c'est la vie. Dragon Ball, c'est la vie. On passe le bonjour au chef Otaku qui nous écoute peut-être un jour. Faudra lui envoyer, vas-y, viens-y faire le podcast. On lui enverra un truc. Le Bretagne-Bordeaux, c'est pas très loin. Et donc, le premier Broly n'a pas du tout été créé par Akira Toriyama, on est bien d'accord. Mais d'accord, même pas le chara-design. Que dalle. Non. Donc, yes. Ce qui fait que là, quand il a décidé d'inclure Broly. Moi, je suis d'accord avec toi, je me suis renseigné. Ah, d'accord, ok. Je me suis quand même renseigné. C'est vrai ? Oui, je me suis renseigné. Bien, il gère. Et il bosse. Ouais. Et donc là, il a repris donc Broly. Et encore une fois, il a réussi à faire un contre-pied parfait aux fans, quoi. Il a créé un Broly totalement différent, un Broly qu'on ne s'attendait pas à voir comme ça. Mais qui garde quand même... pas si humain, mais il a son côté bestial. Voilà, ouais. Qui garde quand même ce truc un petit peu effrayant de dire qu'il est fort, il est dangereux, tu vois. On ne parlera pas des niveaux de puissance, non. Mais ouais, il est dangereux. Mais voilà. Clairement. C'est très très bien fait. Et... ils sont tellement différents, les deux Broly, que c'est difficile de dire lequel on pourrait préférer. Bon, mais je vais quand même dire que le Broly qu'on a vu là, dans DBS, il est plus intéressant que l'autre. Bah, disons qu'il a une vraie histoire. Déjà. Il a une âme. Ouais, voilà, il est plus humain. Ouais. Tu vois qu'il est attristé par son enfance, quoi, déjà. Bah ouais, que l'autre qui pète un plomb parce qu'un bébé a pleuré à côté de lui. L'autre, quand tu le vois marcher, on dirait un autiste. Après, c'est vrai, tu le vois, il est là. Ouais. On dirait un zombie, quoi. Ouais. Bah. Il entend un truc, ça y est, c'est fini. Après, j'ai pas revu les films, mais dans mes souvenirs, quand même, ça envoie du steak. Il y a de l'action, quoi. C'est le film, le Broly, je sais plus comment il s'appelle. Le guerrier légendaire, je crois. Oui. Ouais, c'est Broly. Ça reste, oui, si. Il fait peur. Franchement, il fait peur. Ouais, ah ouais, ouais, tu l'as revu avec. Ouais, mon fils. Ouais. Il fait peur. Il fait peur. Ah, mais c'est une. Tu le vois arriver. Ah ouais, c'est une brute. Tu fais pas le mal. Rien à foutre. Et pareil, les clins d'œil à ce film, justement, t'as dû voir du coup des petits passages, genre quand il traîne Goku ou quoi. Ouais. Ouais, oui. Ah, c'est fixe. C'est des petits clins d'œil, c'est sympathique. Moi, j'ai bien aimé. Et on voit aussi que Freezer est un bel enfoiré, mais ça, vous le découvrez dans le film. Et son traitement est... C'est pas une découverte, ça veut dire que Freezer est un enfoiré. Non, mais ça confirme, quoi, c'est... Bah bon, après, c'est... lui, il est là en... Comment dire, en anecdote, quoi. Je le dis et je le redis, Freezer, ce sera jamais le méchant qui combat son Goku qui deviendra son ami un jour. Non. C'est pas Vegeta, c'est pas Piccolo. C'est pas Cell. C'est... Oui, non, même Cell. Non, mais c'est... Ah, c'est... Copain. Non, mais Cell, là-bas, il est programmé, lui. Voilà, donc... Non, Freezer... Majin Buu, t'es un peu ennemi, et voilà. Non. Freezer, c'est pas ça. Freezer, c'est de la méchanceté à l'état pur, c'est de la saloperie. Le truc, c'est qu'il sait réfléchir, Freezer, il est intelligent. Mais ça le rend tellement intéressant. Ouais, je suis d'accord. Du coup, grâce au film, tu comprends pourquoi. Pourquoi tu quoi? Tu comprends qu'il a commencé déjà tout petit à être un beau salopard. Oui, parce que tu vois le tout début de Freezer. Et son rapport au Saiyan. Voilà. Ouais, non, ça, c'est... C'est vrai. C'est un enculé. On voit l'histoire des Saiyans, mais on voit aussi l'histoire de Freezer, voilà. C'est tout début, c'est vrai. C'est... qui est très intéressant. Donc on est d'accord, ouais, bon. C'est vrai que en fait, il est vraiment coupé en deux parties. 45 minutes d'histoire, 45 minutes de baston. Ouais. On est d'accord pour dire que... globalement... il est pas mal. Et franchement, rien que d'en parler, des fois, je me dis, ça serait pas mal d'aller le revoir au cinéma. Je suis d'accord. Ce serait pas mal de le regarder en screener. En screener. Sur... J'ai pas envie de repayer. Il faut savoir que Monsieur Nours, ici même. Tu l'as déjà dit. Non, je l'ai pas déjà dit. Et puis c'est pas Nours. Dans le podcast, c'est Only for Gamies. Only for Gamies. Mais c'est Nours, pareil, on s'en fout. On est entre nous. Je m'en branle. En tout cas, je le dis, même si je l'ai dit peut-être dans le premier podcast, Nours, il a regardé en streaming. Only for Gamies, il l'a regardé en streaming. Voilà. C'est quelqu'un de bien. Mais il a quand même payé sa place au cinéma. Non, on d'ailleurs, j'ai les thunes, faudra que je les passe. Petite aparté personnel. Ok, bon, sur le film de Dragon Ball, on est d'accord, on a clôturé, et on va enchaîner de suite avec le quiz de Seb. Ah, jingle. Et c'est le quiz. Oh, je vais l'insérer après. Ah oui, oui, c'est gentil, merci. Donc, comme la dernière fois, tu avais fait un quiz, petit quiz pour nous, j'ai décidé de faire un petit quiz pour vous. Alors, on va jouer sur... je vais essayer de vous faire deviner, en fait. C'est-à-dire, j'ai plusieurs anecdotes d'histoire, donc véridiques sur le jeu vidéo. Si vous les connaissez, tant mieux, vous avez gagné. Si vous les connaissez pas, vous allez essayer de les deviner. Je vais te détruire. Par exemple... Il n'y a pas de mal, je vous rassure. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, quelque chose de plutôt connu... Je sais que Only for Gamies ici présent en a déjà parlé sur sa chaîne YouTube. Si je vous dis que Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, pourquoi il a fait une moustache et une casquette à Mario, vous allez me répondre. Parce qu'il adorait Guise. Non, parce que l'imitation technique de l'époque permet. Enfin, c'était plus facile de faire une moustache pour pas animer une bouche et une casquette pour pas animer de cheveux. Voilà. En 2D, c'était plus simple de faire une casquette et une moustache qu'une bouche. Et des cheveux, et ça aurait fait un truc tout dégueulasse. Donc il avait fait ça. Okay. Donc c'est un peu ce genre d'anecdote que vous allez essayer de deviner. Ok, mais vous m'entendrez pas beaucoup. C'est parti. C'est à deviner, c'est pour ça que ça laisse le... Tu peux gagner. Le choix. Tu peux gagner. Tu peux. Par exemple, on va rester sur Miyamoto. Donc Miyamoto qui est le créateur de Mario. En fait, il a une petite particularité. Alors c'est pas un toc, c'est une manie. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Il fripote la bite avant de coder. Il répare ses toilettes lui-même. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Il a une petite particularité. Vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai. Il a des tocs. C'est un toc. C'est pas un toc. Mais c'est obsessionnel alors, il peut pas s'empêcher de le faire. Ouais, c'est une manie. C'est une manie. C'est une manie. C'est une manie assez particulière. C'est dans la vie de tous les jours. C'est pas tout le monde qui a ça. C'est dans la vie de tous les jours. Mais c'est par rapport à son physique? Non, rien à voir. Un objet? Effectivement, il garde un objet sur lui par rapport à ça. Ah, il garde un objet sur. Par rapport à ça? Par rapport c'est à ça. Par rapport à cette manie. Est-ce que c'est par rapport à Mario? Oh putain. Non, je pense que c'est un dingue de l'hygiène. Il a peur d'être contaminé par des non, bactéries. Non, c'est pas ça. Putain. Rien à voir avec la santé. Rien à voir avec par la rapport santé. À, par rapport à Mario. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Ah, c'est vraiment une manie qu'il a. C'est plus fort que lui. Il a un panier. Non. Ah, c'est pas con ça. Non, non. On a dit c'est pas. Non, ça contient pas les maladies, c'est pas physique. Ça n'a aucun rapport avec son physique. Rien à voir avec lui. Rien à voir avec lui. Ça a plus à voir avec tout ce qui l'entoure, les objets, tout ça. Il photographie tout? Non. Il est psychopathe? Il est kleptomane? Non, il est pas kleptomane. Ça pourrait être un bon titre. Shigeru. Il a baisé Mario. En fait. Shigeru Miyamoto, le kleptomane. Je crois que ce sera le titre. Là, je le note de suite. Il a rien là. Non, je vois pas là. Donne-nous des indices. Parce ah ouais. Que... Donc, en fait, il va voir des objets. Et par rapport à ces objets-là, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Ah putain, non. Il va falloir qu'il... Oh putain, j'ai encore un truc sale à ça en tête. C'est rien de dégueulasse, je vous le dis de suite, ça n'a rien à voir. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Des objets... Faut qu'il les touche, tout simplement. Je sais pas, il... Non. Il se pose des questions, c'est plus fort que lui, il faut qu'il sache quelque chose sur ses objets. Et donc il a un objet toujours un dictionnaire. Sur sa poche. Non. Une encyclopédie. Non. Son téléphone, Wikipédia. C'est un outil, il a un outil toujours dans sa poche qui... Je dis pas que c'est une règle. Un mètre. Je veux dire un pied à coulisse. C'est un mètre. Effectivement, c'est un mètre. Ouais, ouais, bah oui. Non, mais d'accord, ok. Mais en fait, de toute façon, on a retenu que Shigeru, il était... Miyamoto a cette espèce de sale manie de connaître tout ce qui... De voir un objet. Et il veut savoir le poids et la taille de l'objet. Donc, en fait, il a avoué qu'il avait se baladé souvent avec un mètre dans la poche pour mesurer les objets. Ah bah, évidemment, un bon psychopathe encore. Voilà. Oui, mais un bon psychopathe qui lui fait de super jeux. Oui. Je lui montrerai pas ma bite, il pourra pas le... Il a fait quoi comme jeu à part Mario? Zelda. Ben ouais, entre autres. C'est le créateur de Zelda. C'est pour ça qu'on s'est... Ah oui, non, non, c'est un grand monsieur des jeux vidéo. Vas-y, enchaîne parce qu'il ne faut pas l'écouter. Un autre grand créateur de jeux vidéo, moins connu, mais qui a créé. Tu notes que c'est moi qui ai gagné ou pas là? Ouais, je note, tu veux. Allez, je note. Allez, fort le note. C'est un quiz ou c'est pas un quiz? Je te donne un point parce que c'est toi. Merci. Si je vous dis. C'est peut-être le seul point que je vais gagner alors. Moi, attends, bah non, s'il me trouve. Comment il va trouver ça? Si je vous dis Toru Iwatani. Oui. Non, ça va peut-être pas forcément vous sauter. Je pense que le nom japonais de la Red Bull, ça. Ça aurait pu. Donc c'est le créateur de Pac-Man. Ah, oui. Ah oui, je vois qui c'est. Mais avant de s'appeler Pac-Man, c'était Pac-Man. Non. Il s'appelait effectivement Pac-Man. Effectivement. Pac-Man qui veut dire Pac-Man. C'est le bruit que ça fait en mangeant. Non, le Puck, c'est le. Ça veut dire palais de hockey en anglais. Donc en fait, c'était l'homme palais de hockey. D'accord. C'était pas ça. Merde. Mais pourquoi ils ont changé Pac-Man en Pac-Man? Vas-y, je te laisse répondre. Vas-y, éclaire-nous, monsieur le rageux. Est-ce que ça allait mieux de faire Pac-Pac-Pac-Pac-Pac? Non, ils avaient peur qu'on transforme le P en effaçant en F et ça aurait fait Fuckman. Sur les bornes d'arcade, effectivement. D'accord. Il y a des petits malins qui se sont amusés à transformer le P en F et ça faisait Fuckman, donc l'homme. Voilà. L'homme clinique. Bah, je suis content, je n'ai pas gagné de points, mais au moins j'ai appris. Tu regarderas le film Scott Pilgrim, il en parle. Dans quoi? Dans Scott Pilgrim. Non, dans Scott Pilgrim. C'est un film sur le jeu vidéo. C'est super. Très bien le film, ouais, très bien. D'ailleurs, pour une petite anecdote, Iwatani, il a créé ce jeu pour avoir de l'argent. Une certaine communauté. Les gays. Non. Ah bah moi je pense à ça quand on parle comme les gays. Les asiatiques, parce qu'il est jaune. Non. Les bouffards de pizza. Non. Ça, ça a rapport avec la bouffe. Putain de racisme là. Ouais. Mais non, il a créé les jeux pour les femmes en fait. Il a créé Pac-Man pour les femmes parce que les femmes pour lui sont des gourmandes donc. Ah, sans croire à la bouffe, voilà. Les copines. Bref, c'est juste tout à partie. Alors, vous faites de la saucisse. Allez, on va rester sur le. Oui, tu peux y aller, je suis raciste, je suis féminin, bah les couilles, ouais. On va rester sur les personnages de jeux vidéo célèbres et Nintendo, en l'occurrence avec Kirby. Vous savez, ce petit bonhomme rose qui, comme Pac-Man, bouffe un peu tout. Mais pourquoi Kirby s'appelle Kirby? Oh putain, je le sais. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Oh putain, je vais pas le retrouver. C'est pas le nom d'un animal de compagnie d'un des créateurs? Non, c'est pas le nom d'un animal de compagnie. Il y a un truc dans ce style. Alors. C'est venu par rapport à un autre personnage de la série des Nintendo. Ouais, mais non, mais je l'ai entendu il y a pas longtemps. C'est un peu tordu comme histoire quand il va, mais au final, ça, c'est la vraie anecdote. C'est pas un personnage, c'est un des gars qui a créé le personnage. Ah, c'est un avocat. Loin. C'est un avocat. Oui, c'est un avocat. C'est par rapport à un avocat. Il est fort, hein, il connaît. Je l'ai entendu il y a pas longtemps. C'est l'avocat. En fait, ils ont voulu le remercier, donc ils ont donné son nom à ce personnage parce qu'il avait sauvé quel jeu? Ouais, t'y es. Oh putain. Il est fort, hein. Là, il est fort, je reconnais. Je sais plus quel jeu il a sauvé. C'est Donkey Kong. Donkey Kong. Par rapport à King Kong. Par rapport à King Kong. Oh bien, et là, franchement, c'est là, respect. Je l'ai blasé. Là, c'est respect. Donc, effectivement, Donkey Kong, le studio Universal qui avait créé King Kong, ont porté plainte contre Nintendo parce qu'ils trouvaient que Donkey Kong était un plagiat de King Kong. John Kirby, avocat de Nintendo à l'époque, est arrivé et a montré que Donkey Kong n'appartenait pas à Nintendo, ouais, mais faisait partie du domaine public et était donc libre de droit, ce qui fait qu'il a fait gagner le procès à Nintendo, qui contre Universal. Pour le remercier, Nintendo a décidé de donner son nom à un autre personnage qu'il venait de créer, Kirby. Donc voilà, John Kirby, l'avocat de Nintendo, a donné son nom à Kirby, notre petit héros. J'ai pas de mémoire, mais putain. Là, t'as géré. Mais ils l'ont dit dans un podcast il y a pas longtemps, je sais plus lequel c'est, mais. C'est comme ça qu'on fait des bébés. Voilà. Aussi. Ça, c'est ta mère. Allez, on continue. Vas-y. Final Fantasy VII. Tout le monde a joué à Final Fantasy VII. T'as vu. Non. Tu sais que c'est l'un de ses jeux préférés. Eh, je vous ai pas dit, Alex, vous savez ce qu'elle m'a pris pour la Saint-Valentin? Le guide officiel. Enfin, pas le guide officiel. J'ai eu Final Fantasy VII Ultimania de Manabook. Je suis content, je vais pouvoir me régaler. Petite note perso. Ouais, voilà. J'avais oublié de vous le dire. Tu nous en parles la prochaine fois? Ouais, il faut que je lise, ouais, okay. Carrément. Alors, on va laisser une longueur d'avance avec Gizalé. Final Fantasy VII, à la base, il n'a pas été du tout créé pour la PlayStation. Il a été créé pour une autre console. C'est sympa. Nintendo, non? Ouais. Ah, tu vois. Laquelle Nintendo? Ah, putain. Trop facile. Reste tranquille, toi. Pardon, excuse-moi. Bah attends, Nintendo, ils en ont pas fait 36 000. Hein. Ah bah écoute, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Game Boy. Mais c'est vrai sans être vrai ce que tu vas dire. Mais je te le dis de suite. Oui, non, mais d'accord. Pas, j'aurais peut-être dit GameCube, peut-être. Non, t'es allé trop loin. Nintendo 64. Ah, tu vois, j'hésitais entre le CD et la cassette. Mais ça s'est pas fait. Pas du tout. Ça s'est pas fait. Pas du tout. Pourquoi, pourquoi ça s'est pas fait? Parce que Nintendo a pas réussi à avoir le support CD. Et donc, ils pouvaient pas stocker les cinématiques de Final Fantasy VII. Ah, donc, on est d'accord. Non, c'est pour ça qu'il devait sortir sur la GameCube. Non, parce qu'à la base, si tu veux, Sony. C'était bien avant la GameCube. Sony a en fait travaillé pour Nintendo pour leur faire la PlayStation, qui était un lecteur CD sur Super Nintendo. Mais comme ils ont fait une magouille en disant que les jeux étaient à Sony, eh ben, ils sont désolidarisés de Sony. Donc Sony a fait leur console de leur côté. Nintendo, ils n'avaient plus de lecteur CD, donc ils ne pouvaient pas stocker les cinématiques de Final Fantasy VII, donc ils l'ont sorti sur PlayStation. En gros, d'après un calcul scientifique, il aurait fallu 30 cartouches de Nintendo 64 pour jouer à Final Fantasy VII. Eh, la RAM, c'est cher. C'est simple. Maintenant, on met tout sur une disquette, mais à l'époque, allez, c'était pas pareil. Je me mets le point. Je peux? Allez, ouais, allez, mets-toi le point. Ouais, allez. J'ai déjà oublié la question, avec tes explications. On continue avec Crash Bandicoot. Une petite anecdote sur Crash Bandicoot. Vas-y. Ça va être sympa. Crash Bandicoot, il n'a pas fait que des jeux de plateforme, il a aussi fait d'autres jeux un peu style Mario, avec le fameux Crash Team Racing. Et il y en a eu... qui ressort bientôt d'ailleurs. Et puis il y en a eu un autre. Fuel, ouais. Il y en a eu un autre, si vous vous rappelez bien. C'était un jeu, un party game. Oui. Vous vous rappelez du nom? Oui. Oui, je l'ai sur DS, putain. Ah, alors c'est Crash Bandicoot. C'est juste Crash. Non, ouais, c'est Crash. Ouais. Bang. Bash. Bash, putain. C'est Crash Bash. Ah, c'est pas la question. Mais c'est pas la question. C'était juste pour. Ah, ok. La question, elle arrive. Je croyais que c'était la question, je me mettais un point. À l'époque, on s'en rappelle tous, hein, quand on était ados, on avait nos fameux CD de démo. Oui. Et il y avait donc le CD de démo qui est sorti avec la démo de Crash Bash. Eh bien, tu pouvais faire quelque chose de particulier avec ce CD de démo. Qu'est-ce que tu pouvais faire? Et jouer au frisbee. Je peux, mais c'est pas la réponse. On peut le faire, tu vois. Mais tu peux le faire. On peut faire quelque chose mais de je te donnerai pas de points pour ça. Il avait pas de musique dessus, tu pouvais pas le mettre dans un lecteur CD. Ah, pas con, ça. C'est pas ça. Mais c'est pas con. Tu pouvais faire quelque chose d'assez énorme avec. Assez énorme. Tu pouvais jouer au jeu entier sur le CD démo. Tu pouvais jouer au jeu entier sur le CD démo. Non. Si, si, si. Les cons. Ça, à partir d'un code triche, en fait. Alors, pour info, l'astuce... Parfait. L'astuce... Crasse comme ça, là. Pour info, l'astuce, elle a été trouvée 9 ans après la sortie du jeu. Hein. Ah merde. Donc ça, ça vaut le coup d'avoir ce CD. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu pouvais jouer au jeu entier? Ben en fait, c'est juste la flemme des développeurs. Comme créer une démo, c'était assez compliqué. Les développeurs, ils ont eu la flemme. Ils ont pris le jeu qui était en... la bêta test qui était généralement donnée aux testeurs et aux... Ouais, tout ça. Oui. Et en fait, ils ont modifié le codage pour juste pouvoir jouer à 2-3 jeux. Sauf que plus de 9 ans après, quelqu'un a réussi à trouver qu'avec un petit code triche, tu pouvais débloquer le jeu complet. Putain. On aurait trouvé ça à l'époque, mais... Ah bon, on avait le jeu gratos. T'avais le jeu gratos à la maison. Et Crash Bash, ça consistait en quoi? C'était un party game à la Mario Party. Tu pouvais faire des petits jeux... T'avais des petits jeux de défis, tout ça. C'était un peu le concurrent de Mario Party à l'époque. Quoi. Ouais, d'accord. Mais bon. C'est pas... Il était tout pas mal, il était pas mal. Allez, on fait une dernière, après je vous laisse tranquille. Ouais, non, tu nous enlèves pas, hein, je perds. M'en fous, j'ai un 4-1. Allez, Tetris. 99. Tetris, tout le monde connaît le célèbre thème musical de Tetris. Oui. Qui c'est qui me le fait, là? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vas-y, enchaîne. Ce thème musical, ça n'a pas du tout été créé pour le jeu Tetris. C'est bien plus vieux que ça. Oui. C'est vrai. Ça date du 19e siècle, pour être précis. C'est vrai. C'est une chanson d'un russe qui s'appelle Korobyanitsky. C'est les avoir pris un nom pareil. À mes souhaits. Et cette chanson, elle parlait de quoi? Oh putain, elle parlait de quoi? C'est-à-dire que c'était pour l'armée, en tout cas, c'était un chant. Un chant du folklore russe. Oui, c'est un chant du folklore russe, oui, d'accord. Mais alors que ça parlait de quoi? Mais ça parlait de quoi? Ça parlait pas d'amour. T'es pas très loin. Une meuf. T'es pas très loin. Ah, une meuf portugaise qui... De sa femme, je sais pas. Hein. Non. Ça parlait effectivement d'une femme. Mais non, c'est après, je dirais pas que c'est de l'amour. C'est une russe. Je dirais que c'était autre chose. J'avais envie de te niquer, c'est ma belle. C'est pas de l'amour. C'est pas vraiment de l'amour, non. C'est sa sœur. Enfin, pas de sa sœur, pas d'une personne. Une reine. Pas d'une reine. Une femme normale. Une femme normale. Sa mère. C'est une femme, c'est une putain. Non, c'est pas de la famille. C'est pas de la putain. Famille. Une prostituée. Ah ouais, bien. Ça parle effectivement, on peut dire d'une prostituée. Putain, j'y connais. T'as bien vu. En fait, la chanson parlait tout simplement. Qui est con. La chanson parlait tout simplement d'une femme qui vendait son corps à un marchand ambulant pour récupérer des affaires, tout ça. D'accord. Donc en fait, la musique que vous entendez a un caractère un peu sexuel. Ça m'étonne pas, à la fin, on fait décoller une fusée quand même. Alors, c'est pas faux. Excuse-moi, c'est dans les illusions sexuelles. Dans les allusions sexuelles. Voilà. Bref. C'était tout pour mes questions aujourd'hui. Eh ben, super test. C'est déjà pas mal, ça m'a un petit peu trouvé le cul. Oui, mais ça t'a appris plein de choses. Eh. Ah, j'ai appris des choses, je sais pas si je l'ai retenu. Il a rien retenu, mais tu réécouteras. 4 à 2, c'est bien quand même. 4 à 2. Il aurait pu avoir égalité. 4 à 6 à 0, quoi. Exactement, tu vois. Tu es amant. Donc, on enchaîne par la suite. Pour Nours... Ah bah merde, je suis en train de dire mon conducteur. Ouais. Bref, et je vais vous parler de la Switch, puisque apparemment, je vais m'en prendre plein les dents par une certaine personne. J'attendais ça avec impatience. La Switch... Je t'écoute, je suis... Pourquoi qu'elle est bien? Je te demande que tu me convainques. Alors, je vais pas te convaincre, en fait, j'ai fait un petit dossier Switch pour expliquer un peu où est-ce qu'on en est de la Switch. Alors, il faut savoir que la Switch, elle est sortie le 3 mars 2017. Fin 2018, soit moins de 2 ans après sa sortie, elle a vendu 29 millions de consoles à travers le monde. En comparaison, la PlayStation 4, elle a vendu 30 millions de consoles en 2 ans. Donc déjà, tu vois, sa courbe de croissance, elle est au-dessus. Donc la console est une hybride portable salon, comme vous savez. Quand tu joues en portable, tu as un affichage de 720p, ouais. Donc HD Ready, sur la télé en Full HD. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ta console portable, quand tu la poses, elle se raye, quoi. Non, il faut mettre une protection d'écran. Mais celui qui met pas sa protection d'écran, il n'a rien. Ah, c'est le problème des premiers docks de Nintendo, effectivement, ça raye. On est d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut... Ah, putain, t'as préparé des contre-arguments. Ah oui. Tu me dis que tu faisais un dossier Twitch. Oh, je c'est suis cool. Renseigné de mon côté. C'est bien. Moi, je compte les points. Après, il faut savoir que dans ta poche, donc vu que c'est une console transportable, tu as quand même une console qui a une puissance qui se situe entre la Wii U et la Xbox One. Donc ça peut être pas mal. Ouais, mais puis je trouve quand même que la capacité niveau charge de batterie n'est pas plus qu'une DS. Par exemple, on a combien 3DS. À 2 heures. Ben oui, mais c'est bien déjà. Ouais, mais j'aurais pu faire mieux. Mais il y a une nouvelle version qui va sortir. On espère que ce sera amélioré. En tout cas, il faut savoir que tu as quand même une PlayStation 3 qui dure 2 heures dans ta poche. Donc bon, ça peut être pas mal. Donc on peut jouer n'importe après, où. Après, sur ce coup-là, oui. On est d'accord. Je suis d'accord. Il est très facile et rapide de quitter un jeu. Tu joues, tu dis « Oh, il faut que j'aille faire des crêpes !» Tu m'éveilles, tu te barres faire des crêpes, tu reviens, t'appuies, tu relances ton jeu direct. Il n'y a pas de temps de chargement ou de quoi ou d'allumage, c'est instantané. Enfin, pratiquement instantané. Il faut savoir que comme c'est une console Nintendo, on a une console avec des licences exclusives. Donc, ceux que tu adores, Mario, Nintendo, ouais. Zelda, Metroid. Il faut savoir que certains de ces jeux sont à eux seuls des systèmes sellers et des long sellers. C'est-à-dire que rien qu'avec cette licence, ils arrivent à vendre des consoles. Et quand je dis que c'est des long sellers, c'est que, par exemple, Mario Galaxy est encore vendu et encore dans le top des ventes. Bon, pas là à l'heure actuelle, mais plusieurs mois après sa sortie. T'as un contre-argument là-dessus? Non, sur les jeux? Non, ok. Poursuis. C'est aussi la console des jeux indés, qui est la bonne remplaçante de la PS Vita. En général, les jeux indés ont tendance à sortir sur Switch. Donc on a pu avoir Celeste, All Boy, Minit, on n'a pas que des exclusivités parce qu'ils sortent sur d'autres plateformes, mais toujours le principal atout, je te dirais que ce sera que tu peux la transporter partout. Et que tu peux l'utiliser quand ta femme est en train de regarder mon meilleur pâtissier ou mes fraises en ski. C'est aussi la bonne console pour faire les jeux qu'on aurait pu zapper sur la génération précédente. Genre tu n'as pas fait Skyrim, tu peux le faire sur ta Nintendo Switch. Ou Elle est Noire, ou Dark Souls, ou Monster Hunter Génération. C'est également la bonne console pour le rétro. En plus des jeux NES qui sortent sur le online, on peut rajouter à ça le catalogue de la Neo Geo, de Sega avec les Sega Edges, et bien évidemment la ressortie des FF 7, 9, 10 et 10, 2. Tu veux rajouter quelque chose ou j'enchaîne? Non, vas-y. J'enchaîne. Ouais, mais attends, le truc c'est que si je vide toutes mes balles et que toi tu les vides pas, tu vas m'assassiner à la fin, j'ai pas trop envie. Je termine. C'est aussi la console qui bénéficie des portages d'autres consoles anciennes ou actuelles. Donc on a pu avoir Doom, Rocket League, qui est cross-plateforme entre Xbox One, PC et PS4. Ils ont mis le temps quand même. Hein. Oui, mais ça c'est la faute à PlayStation. ou Diablo 3. Après, évidemment, il faut faire quand même un compromis sur le niveau graphisme parce que ben, ce n'est pas une PlayStation 4, ça reste une console portable. On est d'accord. Parce que bon, de ce que je peux savoir, ta Switch fait une 4x 2 GHz alors que la PS4 fait 8x 1,6 GHz. Oui, j'avais noté la puissance mais je l'ai enlevé puisque... C'était pas en ta faveur. Oui. On est d'accord. C'était pas en ma faveur, mais c'est très difficile de calculer la puissance. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une puissance entre la Wii U et la Xbox One. J'ai pas réussi à trouver un truc vraiment précis en disant, mais oui, elle a deux fois moins de... En puissance brute, elle a deux fois moins. On est d'accord. On est sur un octocore, sur un quadricore. Après, tu vois, pour une Switch, on dit que c'est convivial. Pouvoir jouer juste avec deux contrôleurs, c'est limite. Sauf que tu achètes ta console, tu as déjà deux contrôleurs. Tu viens chez moi, je te dis on joue à deux, je te donne juste, j'ai juste à détacher une partie de ma console pour jouer. Il faut qu'on ait une Switch, chacun son tour. Non, chacun, j'ai une Switch, je te passe juste une partie de ma Switch et on peut jouer à deux. Ouais, bien sûr. C'est convivial. Vas-y, enchaîne, je t'en prie. Par contre, elle a pas de Bluetooth. Ben non, ça, je t'ai envoyé le lien par exemple pour le casque, ça je t'avoue, c'est un défaut. Si t'as pas de fil, tu peux pas jouer. Bah, si tu l'avais en Bluetooth. Il faut être très près de ta console pour pouvoir jouer avec le casque. Mais non, parce que tu peux docker l'adaptateur USB Bluetooth. Ouais, mais ça reste compliqué. Bah non, tu le branches sur le dock, ça marche. Ouais, si tu veux. Si tu veux jouer en portable, c'est chiant parce que t'es obligé d'avoir un autre casque filaire. Ouais. Mais ça, je te l'accorde complètement. L'application aussi, sur téléphone portable pour parler avec les amis, ça aussi, je t'avoue, c'est casse-couille. Il n'y a pas de chat. Non, niveau. Oui. À part Fortnite. Où ils peuvent parler en... C'est intégré dans le jeu. Ben ouais. Oui, mais il faut que le jeu soit prévu pour... Tu prends Splatoon, il faut télécharger l'application. Voilà, ça j'avoue, c'est à chier. Pour moi, le prix est égal à la PS4. Elle est moins chère, Non. Ben, elle est à 280. À 300 euros, tu trouves une PS4, hein. Peut-être pas la Pro. Oui, mais tu peux pas jouer partout. D'accord. Oui, ben oui, je suis d'accord. Je t'ai trompé pourquoi. Pour moi, il y a trop de choses qui vont pas. Le stockage très, très limité à 32 gigas. Pas besoin d'avoir plus, la plupart des jeux tiennent sur les cartouches. Attends, Nintendo va sortir les cartouches 64 Go, pour l'instant limité. Mais pour le moment, c'est limite. Le Joy-Con gauche est très très fragile. Défaut de conception. Toutes les premières consoles ont des défauts de conception. La manette de PS4, j'ai pas entendu qu'elle avait des problèmes. Mais laquelle, la nouvelle ou l'ancienne? Les anciennes. Ouais. La mienne, elle est toujours. Et Seb, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'écoute. Je me régale, là, attendez. Faut pas changer de manette au bout d'un moment. J'ai à boire une part de pizza et je vous vois tous les deux, je suis en train de me régaler. Et j'avoue, le SAV de Nintendo, il est à chier là-dessus. Oui, non, mais ça, je peux pas te. Alors, moi, j'ai fait quelques recherches sur internet. Mon fils s'est pas touché, t'es pas touché. Mais moi, je joue pas. Mais tous les défauts qu'il y a sur la Switch, un écran bleu par moment, la béquille qui tient la Switch, qui est très fragile, qui se casse pour rien. J'arrive même pas à l'ouvrir, alors moi, je l'ai ouvert une fois pour mettre la carte, hein, si tu veux. Les problèmes de reconnaissance de jeu qui commencent à se faire. Ah ouais? Ouais. Putain, mais il a bossé, donc il m'épate. Là, je suis... Ah oui, je bosse. Et vous avez pas les images. Et... Faudra le switcher un jour. Récemment, ils ont quand même rajouté YouTube, mais quand même, il manque quand même Netflix. Ça va arriver. Ils ont toujours une. À la base, ils ont fait une console de jeu. Ils n'ont pas fait une plateforme multimédia. C'est les seuls à faire une console de jeu. Mais ils n'ont pas su choisir entre la console de jeu de salon ou la console portable. Non, bah parce qu'ils s'inscrivent sur un autre créneau. On n'a plus de Vita. La seule portable actuelle, je suis désolé, c'est la Switch. Je passe le bonjour à Hugo Brard, le grand patron de Xbox en France. Merci. Sortez une console portable. Comme ça, vous allez vous planter. En tout cas, je vais enchaîner. De toute façon, tes arguments, je peux pas les contredire parce qu'ils sont vrais. On est d'accord. Le seul truc que je peux lui trouver de bien... Ah, putain, waouh, enculé. C'est quand même que le... C'est une éclipse ce soir ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que le prix des jeux est très attractif comparé à la PS4. Tu peux t'en tirer pour 40 euros... Le seul truc, c'est que le prix des jeux ne diminue pas avec le temps, comparé à ceux d'autres consoles. Tu prends la licence Nintendo, ça diminue jamais. Ah non, d'accord. En général. Donc en fait, il fait un compliment et toi, tu lui détruis tout en 2 secondes. Ah bah du coup, je prends sa place. Oh merde. C'est clair, oui. Bon, en tout cas, je tiens à dire que c'est une console que je ne prendrai pas comme console principale. Je suis d'accord avec toi. Parce que comparé à ma PS4, je pourrais pas faire tourner des jeux AAA comme Resident Evil 2 Remake. Puisqu'il faut quand même de la puissance et... Bon, ben oui, il faut se rendre à l'évidence, elle a de la puissance pour quelque chose de portable. Pour une console de salon, elle n'a pas la puissance adéquate. mais en console secondaire, elle assurera parfaitement par rapport à tous les points que j'ai listés avant et à jeu égal. Donc vraiment, si tu prends le même jeu sur différents supports, je préfère y jouer sur Switch parce que j'ai la facilité pour moi de, ben, si quelqu'un a besoin d'été, je peux jouer à mon jeu. Imagine que Apex, c'est une supposition, était sur Switch. Si, comme quand même, ils va, ils sont pour parler. Ah ouais, genre, c'est quoi c'est... C'est Unreal Engine. Ah mais non, c'est Respawn. Ouais. Le Respawn Engine. Non, non, mais ils en parlent ce, ouais, d'aller sur Switch. Bah, ils font des concessions graphiques. Mais tu vois, le petit avantage, c'est que ta femme veut regarder ou quoi, ou quand même besoin de la télé, au moins, tu peux y jouer tranquille. Mais c'est, petit côté. C'est qui l'homme à la maison, mec? Tu joues à la télé, tu joues à la télé. Y a pas de je m'en vais à ma console. Moi je peux pas. J'imagine pas Apex sur ma petite console. Je passe le bonjour à Madame Gizmo qui nous écoute. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Franchement, je peux pas jouer sur un petit écran. Non, le point fort de la Switch, c'est que vraiment tu peux y jouer si. Mais après, il y a des jeux. Oui, toi je sais, t'aimes bien le graphisme. Il y a des petits jeux que tu peux emporter comme ça. Un petit jeu en 2D, c'est très agréable d'y jouer sur Switch. Ouais. Et donc, je terminerai juste par un point sur les ventes. Donc, on est fin 2018. Je rappelle que Mario Kart Deluxe 8 a été vendu à 15 millions d'exemplaires. Super Mario Odyssey à 13 76 000 d'exemplaires. Smash Bros Ultimate qui est sorti en fin d'année à 12 millions d'exemplaires. Et Zelda Breath of the Wild pratiquement à 12 millions d'exemplaires. En comparaison, la PS4, son premier jeu c'est GTA V qui est multiplateforme avec 20 millions d'exemplaires, un peu moins. Et le premier jeu exclusif de la console arrive, c'est Uncharted 4 avec 13 millions d'exemplaires. Il est sorti en 2016, soit il y a 3 ans. Ouais, mais tu vois, PS4, ils font du renouveau. Ouais, enfin, ouais, c'est un jeu multiplateforme. Dans tes 4 titres, tu m'as sorti du Mario. Bah toi, je te sortis un Uncharted, un GTA 5. C'est pas du... Uncharted 4. J'ai oublié de préciser. Ouais, mais Mario, ça existe depuis Nintendo. C'est pas les mêmes challenges. Ouais. C'est pas le même jeu, c'est pas le même gameplay. Moi, je sais pas. Moi, j'entends Nintendo, c'est... Ce sont des nouveautés. Oui, non, mais oui, mais toi, tu te fies au nom de... Enfin, j'entends Mario, pardon, c'est... Mais c'est un autre challenge, c'est d'autres habitudes, d'autres mécaniques. Et donc en conclusion, je dirais juste que le but du jeu vidéo, alors ça c'est écrit, tu vois, c'est facile. Donc le but du jeu vidéo étant, à mon sens, de s'amuser, c'est d'une console qui plaira à tout le monde, car tous les styles de jeux y sont disponibles, du néo-rétro, de l'indé au triple A, et il y en aura pour tous les goûts. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaira. Ah, si tu veux traire la vache, tu prends un 2-3 Switch, impeccable. Si tu veux dégommer de zombies, tu prends Bayonetta. Avec un bit bémol énergique. Et avec une qualité d'image. En full HD. Et avec une DA très, très appréciable. Donc voilà ma conclusion pour le dossier Switch. Quelque chose à redire du coup ? Félicitations. Votre débat est clos. Merci. Voilà. Putain, je suis étonné que t'aies bossé en tout cas. Bravo. Donc Seb, du coup, on t'a pas entendu pour cette partie ? Le mois prochain, l'Atari Jaguar V-Flop ou... Ah non, c'est génial. Bah, grosso modo, moi, la Switch, bon, je l'ai pas. Donc déjà, je suis un peu mal placé pour en parler. J'ai joué, mais je l'ai pas. Mais bon, le poids fort de Nintendo, ça restera toujours ses licences. Hein. Mario, Zelda, Pokémon, Animal Crossing, Splatoon, plus récemment. Voilà. Donkey Kong, Kirby. Il y en a énormément. La Switch, c'est qu'ils nous vendent du rêve. Après, c'est l'impression que c'est pour vendre aux plus vieux. Ils espèrent te faire. Après, attention, c'est vrai que. Et vous tombez dans ce piège. Mais c'est qui l'achète? Mais oui. Mais mon fils, il n'achète pas Mario, il n'achète pas Donkey Kong. Il n'achète pas Mario? Non. Mario Odyssey, il n'a pas acheté. Mais il a Mario pas acheté au début. Il voulait. Oui, mais c'est des bons jeux. Non, c'est pas parce que ça porte tel jeu que c'est. Enfin, tel nom que c'est un mauvais jeu. C'est un super jeu. D'accord. C'est pour toi, c'est des super jeux. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On joue à Fortnite toute la journée. Voilà, on en revient. Moi, je joue pas à Fortnite. Mais lui, il joue à Fortnite toute la journée. Oui, mais il est drôle, oui. Je lance un appel. Et il y a Persona 5 qui va sortir aussi dessus. Il y a Dragon Quest 11S en portable. Ça, c'est les RPG, il faut y jouer en portable. Je suis désolé. Mais après, on a chacun notre avis. Mais je t'assure que si tu t'y penchais un peu, tu trouverais des jeux qui te plairaient et tu kifferais. Genre, un Doom, ça pourrait te plaire là-dessus. Le fait de l'avoir partout avec soi. C'est toi qui as une Vita. C'est agréable de jouer des fois. Non. Des fois, quand t'as pas le choix, tout simplement. Parce que on a beau être tous des hommes à la maison. Quand maman elle dit quelque chose, bon, on écoute. Je joue moins à la Vita qu'à la PS4, mais je joue à la Vita encore. Je suis peut-être un des seuls en France d'ailleurs. Et dans le monde. Non, je vais en acheter une bientôt. Ah, oui, t'as raison. J'ai un collègue qui la vend. Oui, t'as raison. Je pense que je vais faire une bonne affaire. Oui, oui. C'est une première version avec un écran OLED. Bien. Yes. Donc, bon, dossier Switch cuit. On est d'accord. On enchaîne sur les tests de Guise qui nous a fait de la VR, donc qui nous a dit tout à l'heure qu'il avait terminé Arizona VR et qu'il avait joué à Super Hot. Vas-y, on t'écoute. Exactement. Donc ça va être bref. On va pas non plus épiloguer 30 ans. Donc j'ai testé, j'ai acheté et testé Super Hot VR. Donc, sous les conseils de qui tu l'as acheté? Sur tes conseils. Ah. Bon. Je suis content de l'avoir acheté. Et t'as vu, c'est un jeu de puzzle réflexion. Ouais. Ah. Puzzle. Non, pas spécialement. Non, pas puzzle, mais réflexion en tout cas. Réflexion. Faut réfléchir un minimum, faut pas y aller à la noix. Donc il faut savoir que c'est un jeu ils ont consacré 3 années de développement pour ce jeu. Donc c'est un FPS, si on peut dire, qui se joue exclusivement en PS Move. Tu ne peux pas jouer à la manette, tu ne peux pas jouer au PS IM. C'est bien, PS Move. Donc le concept, c'est que tu as un certain niveau à faire. Le temps ne s'écoule qu'au moment où tu bouges. Alors justement, j'avais une question, c'est quand tu bouges la tête ou quand tu bouges tes mains? C'est quand tu bouges les moves. Voilà, tu peux regarder autour de toi, ça... Attention, la tête, si tu la bouges trop vite, ça bouge quand même. D'accord, le temps se remet en route. Le temps s'écoule moins vite que tes mains, mais justement, c'est là où t'as la réflexion. D'accord. C'est là où il faut prendre les bonnes pauses au bon moment. Alors c'est quoi le but d'un niveau par exemple? Alors le but, c'est des petits niveaux, alors comme j'expliquais à Seb un petit peu... Le seul truc que je lui reprocherais, c'est que t'as plusieurs niveaux, genre, je sais pas, t'as peut-être 5 niveaux d'affilée. Si tu perds au 5e niveau, faut tout recommencer. Ah oui, ça, j'ai entendu parler de ce problème. Ça m'a gonflé. C'est casse-couille. Ça m'a gonflé. Plutôt que de recommencer au début du tableau. Surtout que t'as des niveaux, t'as des petits... Ah putain, ça m'énerve. Rien d'en parler, eux. Le problème, c'est que les ennemis sont mieux armés que toi, ouais. La plupart du temps. Il faut que tu t'amuses à récupérer leurs armes. Bon, c'est un concept. Donc il faut justement pas bouger, attendre qu'il approche, éviter les balles. Donc tu peux, comment dire, si t'as des bouteilles de bière dans les mains ou... Lance avec cœur. Tu peux les lancer ou tu peux aussi attendre que les balles arrivent et arriver à dévier les balles. D'accord. Ah ouais, mais du coup, il faut le faire au ralenti. T'es obligé de le faire au ralenti. Exactement. Des fois, t'as 4 ennemis devant toi qui lancent des balles en même temps. Donc t'as une priorité quand même aussi à... Et ouais. Choisir ta direction, bon, tu ne peux pas bouger. Ça peut être stylé, ouais. Tu peux pas bouger. Non, toi t'es fixe. T'es fixe, voilà. Juste attendre que ça se passe. T'es super hot paraplégique quoi, mais c'est cool. Donc t'as des micro scènes action, niveau graphisme, on va pas trop s'étendre là-dessus parce que c'est pas fait pour en envoyer plein les yeux. C'est une DA choisie. Tu vois, voilà, c'est choisi. C'est voilà. Sûr que au moins c'est de la 3D face pleine, bon, tu t'attends à rien. Voilà, c'est les mannequins. Voilà. Mais bon, c'est un choix. Après, je dirais que c'est plutôt une expérience qu'un jeu. Mais tu l'as terminé celui-là? Non, je l'ai pas terminé, mais en une heure, tu vois que t'arrives à la fin. De près ce que j'ai vu. La fin du jeu ou la fin de l'expérience? En 2 heures, voilà, c'est une expérience, c'est pas un jeu. C'est vraiment pas. C'est pour te montrer, je pense qu'ils peuvent faire autre chose que certains jeux en VR d'aujourd'hui. Mais tu penses que c'est un jeu qui mériterait quand même des extensions ou dans l'état il y a. Non, je pense qu'une fois que tu l'as fait, tu vis le truc et. En fait, quand tu joues au jeu, t'es pas vraiment dans le jeu. T'es une personne qui met comme Real One Player. Le film. Ready Player One, ouais. Ready Player One. T'inquiète, je comprends. Tu mets le casque. En fait, t'es dans un petit bureau, à la façon Ready Player One, ouais. Et t'as une disquette. Tu mets ta disquette, tu mets ton casque, et t'es dans le jeu. T'incarnes un avatar, voilà. Qui va dans un jeu vidéo. Ouais, d'accord, ok. Inception. Ouais. D'accord. Donc, du coup, ouais, voilà. Et donc, tu mets combien de bouteilles de bière sur 10? Combien de bouteilles de bière? Ouais, moi, je compte en bouteilles de bière. Allez, 6 pour l'originalité. Après, j'ai fait des petits points positifs. Ah, vas-y, vas-y. La musique est plutôt sympa. C'est prenant. La musique est très prenante. Le petit effet Matrix, ça te rappelle le film? Ah, oui. Franchement, t'es vraiment dans le truc, t'évites les balles. C'est ce que j'ai pensé quand t'as dit tout à l'heure pour les balles. Ouais. Genre, tu la regardes. Ouais, c'est magnifique. Fuis à côté de toi, ouais. Côté de tout ce qui est gestion et mouvement du temps, c'est vachement bien fait. Qu'est-ce que t'expliquais avant? Vraiment, quand tu bouges, ça bouge. Si tu fais coucou coucou, là ça arrive dans tous les sens. Ouais, ça te. Si tu bouges plus, il n'y a plus rien qui se passe. Ça donne spécial comme impression, tu vois. Ouais, c'est. De se dire, attends, au début, ouais, t'es pas bien. Analysé quand même. Au début, t'es pas bien. Au début, tu veux y aller à la barbare et ça marche pas du tout. Pour les points négatifs, bah c'est pas long. 2 à 3 heures. Les jeux VR là-bas sont pas très longs. Mais c'est pour ça que je te dis 2 à 3 heures pour moi, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est pas Resident Evil 7. Bref, je reviendrai pas là-dessus. Ouais. Et tu vois, ils ont beau faire des beaux jeux sur PS4 en PSVR, les gens vont pas au bout. Alors. Oui, vas-y, je t'en prie. J'ai pas été au bout parce que j'ai pas eu le temps. Putain, on a des trucs à dire encore. Le gros point négatif, c'est la difficulté qui est très mal dosée pour moi. Alors ça, j'ai pas eu le point de vue. Tu peux faire le deuxième niveau, il est très dur, comme le cinquième, il est très facile. Ouais, comme tu recommences ça depuis le début. Voilà, tu vois, ouais. C'est, ça, c'est pas bon. Donc du coup, tu sais plus trop où donner la tête. Ça te perd, ça, ouais. Voilà. Et au bout d'un moment, tu t'énerves. Mmh. Franchement, à recommencer 4 fois le même niveau, enfin sachant que tu recommences depuis le début, alors que c'est le quatrième niveau, ça énerve. C'est la base d'un jeu vidéo, après il faut que la difficulté soit montante et pas donc voilà, bon, soit dosé, ouais. Que ça vraiment courbe douce quoi. À tester. À tester, ouais, oui. Ah là par contre à la zone AVR, lui il a droit à... Oui, il a droit à un plus gros chapitre. Ouais, tu as bûché encore plus. Ouais. Ça, j'ai fait mes devoirs. Je te laisse le relais, je vais voir ce qui se passe là-bas. Allez, vas-y. J'ai fait mes devoirs. Pour Arizona Sunshine, donc c'est toujours un FPS. Ouais. On est d'accord. Il est d'abord sorti sur Oculus. Exact, oui. Et sur Steam. Ah oui, sur Steam. Voilà, ouais. L'éditeur, c'est Vertigo Game. Il faut savoir qu'après la sortie du jeu, Vertigo Game a lancé une version arcade sur HTC. Vive. Vive, mais dans un complexe, afin que les joueurs se promènent avec des casques sans fil dans un entrepôt pour pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs. Oui, la particulière de l'HTC Vive, où tu peux te déplacer voilà. Sur 10 mètres carrés sans problème. Ah, sympa ça. Avec un sac à dos, une espèce de sac à dos, non? Ou, non, ou vraiment que le casque? C'est les capteurs qui t'as... Ouais, mais le casque, il est alimenté comment? Par tout est dans le casque. Ouais, après, t'as les caméras que tu places dans ta pièce. Et qui ça, t'as... je sais, mais l'alimentation du casque en lui-même. T'es pas relié à quelque chose, du coup? C'est le PC. Ah, donc t'es relié à un PC? Oui, t'es relié à un PC. Ouais, ouais. D'accord, autant pour moi, excuse-moi. La technologie m'intéresse. Donc moi, je l'ai testé sur PS4, hein, évidemment, PSVR. Donc dans ce jeu, t'as 3 modes. Campagne, survie et horde. Ça t'évite. Pardon, excusez-moi. J'aime pas ça. Excusez-moi. Bon. Et toi aussi t'évites de bouffer tes chips. Au niveau des contrôles, désolé. Tu peux jouer à la DualShock. Alors c'est pas du tout facile, j'ai essayé. Mm. Ça sert à rien. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Bah, ouais. D'accord, c'est pas fait pour ça. Celui. T'as pas l'immersion. Celui qui a pas le PS Move ou la IM, t'es dans la merde, mec. Ah, tu peux le faire avec la IM. Oui. Ah, mais c'est pour ça que j'ai pris ça. Tu l'as fait avec la IM. Ouais. Ah, alors l'AIM pour rappeler, c'est quand même l'espèce de... Ah ouais, t'as fait le... Bien, oui, oui. Il était... Donc l'AIM, c'est le support qui permet de mettre les PS Move, et en fait on a comme l'impression d'avoir... Si, non. On a l'impression d'avoir... Ah non, t'as c'est pas un PS, appareil à part. C'est carrément un pistolet. Donc c'est un gun qu'on a à part. Voilà, voilà, c'est un gun qu'on a à part. Autant pour moi. Donc t'as la DualShock, c'est impossible. Ouais. Les PS Move, t'as pas la même sensation quand tu tiens ton fusil. C'est un truc rigide comme dans Farpoint. Donc l'AIM reste vraiment la meilleure option. Ouais. Dans Farpoint, pareil. Par contre, gros défaut, quand tu lances le jeu, si t'as lancé le jeu avec ta DualShock, t'es obligé de jouer avec la DualShock. Ouais, t'as pas un mélange de contrôle. J'ai galéré 30 ans à me dire mon IM marche plus. Il faut relancer le jeu avec l'IM pour pouvoir démarrer avec l'IM. Alors ça, c'est stupide. Sans problème là-dessus, ouais. T'aurais une Switch, on reconnaît direct la manette, bref. Mais il n'y a pas de VR. Non, c'est pas fait, hein. Pour ce qui est du jeu, bon, histoire un peu cliché. Ou alors, oui, du coup, l'histoire des zombies dans le désert. Voilà, donc tu tombes sur un perso qui est vraiment délirant, limite déjanté. C'est en VF, faut savoir, c'est français. Doublé, à la voix. Ouais, la voix est française. C'est bien, ça. Donc, c'est vraiment sympa. Le mec qui pète les plombs, en fait, tu commences, t'es tout seul. D'accord. Donc, il y a des zombies. Et ils recherchent de la vie. Le petit cerveau à bouffer, ça fait toujours plaisir. Le mec, constamment, il se parle à lui-même. Tout le jeu, il se parle à lui-même. Il parle aux zombies. Alors, tu sais pas pourquoi, il les appelle les Fred. Salut Fred, salut les Fred. Mais le mec, je te promets, il faut les vraiment Fred que vous testiez ce jeu, parce que ma femme m'a pète les plans. Parce que si je le mets fort, le truc, le mec, c'est genre... Allez vous faire enculer, bande de pédés! Allez, putain de merde de Fred! Je vais vous défoncer la gueule! Ah ouais, c'est un peu nu en enfer, tu vois. C'est nu en enfer. À fond. Il y a une personnalité vraiment. Je te jure, il me fait rigoler tout seul. Je te jure, il a la mitraillette, il fait son Rambo. Bah, c'est sympa quand même. Venez les Fred, venez! Je te jure, il est énorme. T'aurais pu être Michel, écoute. Oui. Pourquoi pas? C'est mignon, les Fred. Apparemment, j'ai vu un pourquoi les Fred, on sait pas. Franchement, j'ai terminé le jeu, je sais même pas pourquoi. J'ai vu un petit truc, la juge de vie. C'est ta montre? C'est ça, non? J'ai vu un truc comme ça. Honnêtement, je sais pas, je suis jamais mort. Ah, putain, j'avais vu un truc sur YouTube. En fait, tu regardes ta montre et t'as ta jauge de vie sur la montre. Honnêtement, ça, j'ai pas fait attention. T'as même pas fait gaffe? Non, parce que je me fais pas toucher. Trop facile ou quoi? Bah. Difficulté. La difficulté normale est facile. D'accord. Ouais, donc tu fais l'histoire d'une traite. Exactement. Après, niveau jeu, trop désertique à mon goût. Ah bah, Arizona. Arizona Sunshine, ouais. Oui, tu aimes bien. fait, c'est ce qu'ils cherchent d'ailleurs, Arizona Sunshine. C'est quoi l'Arizona Sunshine? C'est une ville. C'est trop désertique en fait, c'est trop vaste, tu les vois arriver. T'as que 2-3 passages sombres, on va dire. Ouais. Ah bah disons que tout le désert, c'était pas dans le noir quoi. Non, il y a 2-3 passages blocs, mais sinon ça va. Alors ensuite, il y a un truc qui va pas avec la VR. Ça m'a fait péter les plombs, c'est le calibrage entre l'IM et la PS caméra, qui est vraiment à chier. Qui est tout le temps en train de remettre ton IM en bas pour qu'il se recalibre. Et d'autres jeux comme ça. Il y avait Fast Point aussi, ouais, voilà. Qui faisait moins. Donc ça vise pas où tu veux que ça vise en fait. Ça va viser, mais si tu commences à tourner dans tous les sens toi-même, ah, ça se décalibre, la caméra, ouais. Ça se décalibre. Tu perds, donc, ouais, d'accord. Donc tu vises et tu y es plus. Et tu perds l'immersion complètement d'un coup. C'est lancé d'un coup, t'es affolé et t'es perdu. Donc du coup, je vais terminer sur les points positifs et points négatifs. Vas-y, on voit le steak. Mode campagne est très sympa, 4 à 5 heures quand même. Donc tu te fais quand même 5 heures de VR. Pour combien tu l'as eu celui-là? Juste... Celui-là, il m'a coûté... Combien? 18 euros. 4 à 5 heures? Ouais. Non, c'est raisonnable. Pour du VR, c'est raisonnable. Et pour moi, c'est pas une expérience, c'est vraiment un jeu. Moi, je dirais... Ouais, j'aurais vu 15 euros. Il est sorti par contre, coûté 40 balles. Et est-ce qu'il y a d'autres niveaux de difficulté? Est-ce que tu penses que tu pourrais y revenir? Derrière. Je pense que je peux y revenir parce que tu vois, j'ai essayé le... T'as un mode survie. Voilà, ouais. Et t'as un mode horde. Ah, ça peut être. J'ai essayé le mode horde, c'est pas mal. T'es coincé dans une grange et t'attends que les... Comme un Call of Duty, tu vois. Mm. T'attends que les vagues de zombies arrivent. T'as... Ouais, donc tu peux encore étendre ton expérience. Ah oui, donc ouais, tu peux encore jouer. Et t'as un mode cop. Ça, c'est pas de bien. Mais il faut trouver un copain. En ligne. Oui, en ligne. Il est là, le problème. Parce que quand t'as cote, tu t'en fous plein la gueule. Dans les points positifs, le mode cop est lié. Ouais. Le personnage est fun et l'atmosphère est réussie. Pour moi, t'es vraiment dans un mode Walking Dead à fond. Ouais. Et donc, lui, combien de clés à molette sur 10? Pourquoi tu comptes ce que tu veux, toi? Des bières et clés à molette. Des bières parce que je vois des bières et clés à molette parce que t'es mécano. Je dirais 3 sur 5. Bon, donc 6 sur 10, c'est 6 sur 10. 7, 7. Ah, bah tu vois, c'est pour ça qu'on prend. Et sur 20, alors, ça ferait 15. Voilà. Sinon, les points négatifs, c'est très répétitif. Ouais, bah c'est toujours les mêmes zombies, t'as pas de niveau de difficulté spécial. Ouais, pas de boss particulier. Sur 6 heures de. Ah ouais, tiens, de boss. Il y a quelques hordes qui arrivent vers toi en mode aventure, mais. Sur 6 heures, bon, la répétitivité après, t'as pas dû la sentir non plus. Pense, de quoi, pardon? Sur 6 heures, t'as pas dû sentir la répétitivité plus que ça. Moi, je l'ai pas fait 6 heures, hein. Je pense que ça m'a. 4 heures à peu près. Ah, ça. Ouais. Heures. Enfin, c'est court quand même. Ouais, le calibre. Alors, les points négatifs, très répétitifs. Calibrage à chier. Ouais, ça m'a gonflé plusieurs fois. Ouais. Les graphismes très limités, c'est pas la peine de chercher à midi à 14h, c'est pas beau. Et avoir l'IM pour une sensation optimale. Pour moi, c'est point négatif parce que si tu l'as pas, tu peux pas jouer. Ou tu te fais très chier. Ouais, et ça, sachant que c'est un accessoire qui est vendu séparément, voilà. On peut peut-être pas trouver facilement. Il était vendu avec Arizona Sunshine, il me semble. Ah, ouais, il y avait un pack, c'est obligatoire. Il y avait un pack. Il me semble. Bon, donc, voilà, donc en gros, très, très bonne ambiance. Ouais. Eh bien, après avoir parlé de tous ces zombies et de toute cette cervelle qui tâche, mais au soleil, on va parler un peu de zombies et de cervelle qui tâche, mais dans la pénombre, puisque maintenant, on va parler de Resident Evil 2 Remake, qui est sorti début février. Si oui, début février. Et dont nous avons tous y joué, même si Guise a mis un peu de temps à y jouer. Bref, on enchaîne. Seb, je t'en prie, dis-moi ce que tu as pensé, ton ressenti sur Resident Evil 2 Remake, puisque je pense qu'on aura tous quelque chose à dire là-dessus. Oh oui. Donc moi, j'ai déjà joué au premier Resident Evil 2, que j'avais fini à l'époque. Donc il y a moyen de faire quand même une petite comparaison avec la capacité de l'époque, bien entendu. Bien sûr. Et mais pas déçu du tout. Ça, le système qu'ils ont utilisé, donc maintenant tu as la vue caméra à l'épaule en TPS. TPS, oui. TPS, je dis pas de bêtises. Donc c'est excellent. L'ambiance est très bonne. Les clins d'œil. Alors, oui, c'est le même jeu, c'est le même scénario, mais donc est-ce qu'on peut appeler ça des clins d'œil? Fais gaffe, toi, t'étais loin dans le jeu. Guise, je vais pas spoil plus que ça. Quoi, non? De toute façon, je crois qu'on en est au même point. Je l'ai dépassé, là. Putain. Ouais, il a torché et j'ai pas beaucoup joué. Toi t'as accroché. Bon bref, vas-y, enchaîne. On revient sur lui après. Il y a quand même 2-3 clins d'œil au Resident Evil sur PS1. Perso, mais je l'ai pas vu. C'était modernisé. Mais ça a été modernisé. J'ai pas vu les clins d'œil. L'ambiance est bonne. L'ambiance est clairement bonne. Je suis plus à l'aise que sur le Resident Evil 7. Le Resident Evil 7 qui était vachement plus glauque et oppressant. T'avais du mal à relancer le jeu, là quand même tu sens plus le côté action et tu le relances quand même beaucoup plus facilement. Ouais, je l'ai mis aussi, ça. L'ambiance est stressante et angoissante, mais elle n'est pas malaisante. Ouais, voilà. Malaisante. Le stress, tu l'as, l'angoisse, tu l'as. Oui. Mais c'est pas le malaise comme dans... Alors, le 7, t'étais vraiment mal à l'aise quand il jouait. C'était pas une sensation forcément super agréable pour un jeu. T'as l'appelé la première personne, on sait peut-être qui joue. Aussi. Tu vois. Aussi. Et je pense qu'en VR... Et je peux, voilà, ce que j'ai dit à Seb, je peux pas faire la comparaison. Je l'ai fait qu'en VR. Donc, si vous vous faites perdre en normal, je vous dis qu'en VR, les gars. Ah, j'ose même pas imaginer. Moi, je l'aurais pas fait. Moi, il me faut ma meuf. De toute façon, j'ai joué à Resident Evil avec ma meuf à côté. Faut qu'on te tienne la main. C'est mignon. Ouais, elle peut tenir autre chose aussi. Au moins, tu vois, je. Il joue à un jeu d'horreur, il faut sa meuf. Il joue à la Switch, il faut des scénarios. Donc, moi, j'ai attaqué le scénario avec Léon. Comme j'avais fait. Comme j'avais fait la première fois, en fait. À l'époque. À l'époque, quand t'étais jeune. Voilà, j'ai... Que tu séchais les cours pour jouer à ta console? Non, j'ai jamais séché les cours. Non mais t'as fait des nuits blanches. Ça, c'est possible. Et donc, du coup, les scénarios se collent bien l'un à l'autre. On retrouve tout le bestiaire qui a fait le succès du premier Resident Evil 2. C'est bizarre de dire le premier Resident Evil 2. Ouais, sachant quand même qu'ils ont été malins, ils n'ont pas mis les monstres, je pense aux Lickers, on est tous passés par là. Ils l'ont pas mis au même endroit parce que... Voilà. La première fois que tu arrives dans ce couloir, tu te dis, je sais ce qu'il y a là-dedans. Il est là. Je sais. Maintenant, il est pas là. Pas du tout. Même toi, t'as dû le voir celui-là, ce passage. Ouais. Ouais, au début. Il s'en rappelle. Comme dit Seb, il n'y a pas de. Il manque le petit générique, tu vois, la petite cinématique. Tu te rappelles ce petit intro que. Oui, quand il est collé au plafond et que tu vois la langue. Voilà. Ouais, mais. Chier. Ah, tu l'as pas. Là, il saute dessus, le mec. Ouais, ça perd du charme. Ouais, mais le truc, c'est que tu t'y attends trop. T'as après, ça te casse l'effet. Effectivement. La suite de cinématique, c'est le moteur du jeu. Tu t'y attends trop. Ouais. Enfin, là, quand il saute à la gueule directe, t'y attends pas. Mais il m'a pas sauté à la gueule directe à moi. Monsieur. Il était en train de bouffer un gonze là, et j'ai attendu. Si j'approche pas, il me fait un. Ouais. Après, les énigmes, bon, ça reste quand même assez simple. Les énigmes sont quand même assez relativement simples. Après, il y en a plein qui critiquent aussi l'aller-retour. Mais ouais, mais. Oh. Ouais. Faut pas oublier quand même que... Ça se fait vite quand même, parce qu'une fois que tu connais le lieu... Ouais, puis tu... Après, vite, hein. Quand tu connais, je pense que tu vois, là, on va attaquer le deuxième scénario, enfin, en tout cas pour ma part, tu vas limiter les allers-retours. Oui. Parce que franchement, je me dis, réellement, c'est un jeu que j'ai sauvegardé plein de fois, j'aurais pu... En fait, vu que t'as une sauvegarde automatique déjà, tu peux ne pas sauvegarder. Ouais. T'en bats les couilles, tant que tu joues, et tu sauvegardes que quand tu t'arrêtes. Ah oui. Mais c'est une bonne dose entre l'ancien et le nouveau. Je suis content d'avoir fait plusieurs sauvegardes. Pourquoi ? Parce que j'ai pas trouvé le pont. Et que du coup, quand je me suis retrouvé face au Liker, c'est Monsieur White là, c'est ça? Ah, William Perkins. William, Mr. G. J'ai pas de fusil à pompe, donc je suis dans la merde. Donc je suis bien content d'avoir. Le fusil à pompe, c'est dans le local des Starves. Enfin, oui, dans mais le j'ai pas trouvé la carte, je suis passé à côté. Bref, j'en ai parlé avec Seb, lui qui fait Léon, et moi aussi j'ai fait Léon. Ah, je suis avoir fait clair. Au bout d'un moment, quand tu passes à un passage, tu peux pas remonter avant très longtemps. Donc je peux plus trouver le pompe. Donc j'ai enregistré avant et je suis bien content. J'ai pas rejoué depuis, mais... T'as pu revenir en arrière. Voilà. Mais après, je trouve que la progression, elle est quand même logique, tu vois. Enfin, il t'aiguille bien dans le truc. Et ce que je disais, on a une bonne dose entre le jeu d'origine et les améliorations de gameplay actuel. Parce qu'après, on va dire, honnêtement, la cohérence, c'est pas là où le jeu, comment dire, est le plus efficace. Parce que je suis désolé, les zombies, tu vas faire dans la tête. Oui. Tu fais des allers-retours pour rien. Et des moments donné, t'as envie de lui dire, mais putain, bouge-toi le fion. Tu peux te barrer direct, qu'est-ce que tu te prends la tête? Ah oui. Après, vous avez joué Léon, donc je sais pas. Non, après, comment te dire? Ça reste quand même sur les bases du premier Resident Evil 2, donc faut pas non... C'est un vrai remake. C'est un vrai remake de Resident Evil 2. Mais où il faut quand même garder un certain lien avec le premier pour pas... Mais là-dessus, il est ce qu'il faut. Ouais. On est d'accord. C'est vraiment un remake dans le sens où on est actuel, dans les mécaniques, dans le gameplay, machin. Par exemple, on n'allait pas te foutre des zombies qui se mettent à courir à 200 km/h. C'est pas World War Z. Voilà. Mais même comme ça, c'est pareil, la mise en scène est... Parce que là, tu peux bouger la caméra dans tous les sens, mais franchement, il y a des zombies, des fois, le fait de pas savoir s'ils sont morts ou pas, ça te fait stresser, quand même. J'aurais toujours une balle dans la tête, moi, maintenant. C'est fini. Bah, en fait, au bout d'un moment, tu vois, dans la tête. Je mettais les balles dans la tête jusqu'à faire exploser le crâne. Et Alex, ça me fait « Arrête de gaspiller tes munitions !» Ouais, mais je suis pas sûr qu'il va pas se relever ce con. Tu vois. Après, ils ont changé quelques systèmes de combat, comme le couteau que tu peux directement planter dans les missiles t'attrapent, mais qui aussi se casse. Donc, un truc incohérent. Pourquoi pourquoi, bon, je veux dire elle parce que je joue Claire, ouais. Pourquoi il vise pas directement le crâne? Il sait que c'est sa zone sensible. Pourquoi il lui plante dans le cou? Plante-lui dans le crâne, pauvre con. Sans rire, tu le tues direct. Il est trop petit, peut-être. Léon, il est pas trop petit. Il y a pas, c'est pareil, là-dessus, il manque une touche d'esquive. Il manque une touche quand tu vois que le zombie va t'attraper, t'as envie de faire... Tu vois, slap. Après, je me dis, s'ils avaient mis ça, le coup dans la tête ou l'esquive, peut-être que le jeu aurait été trop simple, du coup. Ouais, tu vois, parce que t'enlèves ça, après, c'est vrai que t'esquives tout. Oui. Donc bon, c'est un choix pris. En tout cas, le jeu perso, j'ai... Non, non, le jeu est bon. Moi, j'ai adoré. Il y a aussi le réalisme. Franchement, je sais pas si vous avez vu, je sais pas où vous en êtes, donc... Ça va être compliqué. Il y a des moments où tu dis c'est vraiment dégueulasse. Ah oui. Tu vois, c'est pas malaisant, mais c'est gore. Nous, on commence Léon. Oh, c'est gore. Mais à un moment, il regarde la gueule du gonze, là. C'est dans ouais, oui, si, j'ai vu, ouais. Je l'ai vu avec Claire. Non, mais avec Claire, je l'ai vu. Le sens qu'elle a... Mais vous avez vu, c'est gore. Au tout début, quand tu rentres dans le commissariat et que tu vas sur la droite, bon, bref, le mec où il y a la porte qui est au-dessus de lui, je vais t'aider, je vais t'aider. Quoi, avec Claire aussi? Avec Claire aussi. Ouais, mais parce que le scénario A et B, après, c'est deux trucs différents. C'est dans ce genre truc, hein, alors. Non, le scénario B, du coup, il va changer. Mais bon, là, quand tu vois les tripes et tout qui sortent de sous la porte, tu fais... Wow. Ouais. Non, c'est dégueulasse. Réaliste, il est gore. C'est gore. Oh. Et je vais rebondir sur un autre point, c'est le RE Engine. Donc, c'est le moteur du jeu. Ils n'ont pas utilisé un moteur Unreal Engine 4 ou quoi. Putain, il est magnifique, ce truc. Entre les effets gore réalisme, les effets de lumière... Les ombres et tout. Je pense que vous avez dû avoir le passage où à un moment donné tu vois une ombre, tu fais oh putain, un zombie. Ouais, ouais, ouais. J'ai pensé à toi, ça. J'ai vu la statuette. Sans rire. Et c'est une statuette toute petite. Enculé. Super bien fait. Les effets de lumière, les effets de particules, de fumée, de gouttes d'eau. On est sur des PS4 normales, les gars. Le moteur est génial, justement. En plus. Putain. C'est petite anecdote avant de lancer le podcast, on a testé Devil May Cry 5. Ouais. C'est le même moteur. Ah ouais. C'est magnifique. Alors. On est sur du Capcom, le RE4. Le RE Engine, excusez-moi. Est magnifique. Bah, plaît-il. Le moteur du jeu. RE Engine. RE Engine, Resident Evil Engine. C'est le nom du moteur. C'est le nom du moteur graphique. En comparaison, je sais pas, Fortnite c'est Unreal Engine 4, tu vois. Mais le moteur, il est. Putain, il fait des trucs graphiques. Non, c'est pour nos consoles, on est loin de ce. Enfin, quand le 7, c'était pas celui-là? Si, c'était celui-là, le 7, il me semble. Ouais, que... Je veux dire, il pousse à chaque fois, tu vois. Ah ouais, bah après, oui. Tu prends les jeux de première génération de la PS4, comparé à ce qu'on a maintenant, ils étaient jolis. Ouais. Là, franchement, Resident Evil, il m'a mis une claque. Non. Sinon, tu le vois, et c'est bien vendu. Ceux qui ont 10 ans de moins que nous, ouais. Ils y jouent, ils ont kiffé, ils ont rien connu. Ouais, mais il y a ça, parce qu'ils ont pas joué, hein. Il y a eu la modernité. Ouais, c'est vrai, ils ont joué. Donc au final, t'arrives, tu joues à Resident Evil 2. Mais il n'y a pas spécialement d'histoire entre l'un et le deux. Non, du coup, les gens, ils y jouent. Non, tu peux le prendre comme ils sont contents. Ouais. Oh oui. Et ça a plu à gamer de jouer. Donc on est d'accord quand même, c'est un jeu qui sort sur une nostalgie des vieux. Ça marche. Et ça attire des nouveaux joueurs. Ça marche. Exactement. Capcom a même dit, on va peut-être faire le 3 maintenant. Mais ils attendent le retour des fans, mais franchement... Je pense que c'est en bonne voie. Stars. Ouais, si, ça serait bien. Voilà. Franchement. Donc, ah, ça va le faire. Donc on est tous d'accord, bon, je lui mettrai pas un 10 sur 10 parce qu'il y a des imperfections. De toute façon, les notes c'est un peu bidon. Mais... Ça reste un remake. Ouais, mais liste. Ouais, encore. Putain, je peux pas trop en parler avec vous, vous êtes pas arrivé à la fin, vous êtes trop loups les mecs. Putain, mais franchement. Et Mister X, du coup, tu l'as vu toi? Ça y est? Non. Tu l'as croisé? Toujours pas? Toi non plus? Ouais, non, du coup. Enculé, à voir. Vous avez pensé stressé, attendez qu'il arrive. Là, vous allez stresser. Après. Là, pas de l'angoisse, du stress, vraiment du stress. En tout cas, c'était bien, c'était bien goupillé. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on allait dire pour ce mois-ci. On s'est bien éclaté. On va certainement en refaire une le mois prochain. Tous les mois. Et tous les mois, c'est le but. Je vous remercie. Oui. On peut préciser que maintenant il y a un compte Twitter pour les retours éventuels. Ah oui, alors il y a un compte Twitter, vous pouvez nous accéder sur le site, vous avez le mail de disponible, démerdez-vous, mais Geek et moi, alors c'est @geekemoi parce que j'ai pas encore modifié l'adresse. N'hésitez pas à faire des retours, ça nous fera très plaisir, enfin ça nous fera très plaisir. Ah oui. Vous avons Game of Geese sur Twitter et Jimbo Seb sur Twitter et Only4Gaming sur Twitter. Si vous voulez nous contacter, il n'y a aucun problème. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Allez, salut les gens! Salut! Salut à tous! 1h28 les mecs. Il disait que ça allait pas trop longtemps, il est arrivé au... Nathalie.